Vous êtes sur Web7 Radio. Apprendre ou à débattre. Présenté par Adrien Brachet. Ça enregistre. Bonjour à tous, il y a bientôt 3 ans et 94 émissions, nous nous lancions un projet un peu fou, animer une émission hebdomadaire où des jeunes prendraient la parole et mèneraient le débat en face de grands spécialistes et de personnalités de tous horizons. Eh bien nous l'avons fait, en 3 ans le monde s'est transformé, la politique a été bouleversée, les pratiques journalistiques se sont renouvelées et nous étions aux premières loges pour décrypter avec notre jeune regard, curieux et incisif, ces grandes évolutions. Nous avons suivi l'élection présidentielle française, les élections locales qui l'ont précédée, la campagne de Donald Trump, la mutation du paysage politique français, la COP21, l'Euro de football, les attentats, la guerre en Syrie et bien d'autres événements. Et à chaque fois, nous n'avons pas hésité à débattre de sujets ambitieux de haut niveau pour vous, chers auditeurs, mais aussi pour montrer que bien que jeunes, nous avions la capacité à nous intéresser à de nouveaux sujets, à traiter des thèmes exigeants, parce que c'est l'image de la jeunesse que nous voulions afficher. Une jeunesse rigoureuse, passionnée et engagée. Ainsi, nous avons décrypté les programmes économiques des candidats à la présidentielle, avons analysé la situation au Moyen-Orient, essayé de mieux comprendre l'origine du vote Trump ou encore l'évolution des médias. Ensemble, nous avons vécu des moments très forts, notamment à l'extérieur de notre cher studio, à l'Assemblée nationale, au village international de la gastronomie, dans les QG de campagne des candidats les soirs du premier et second tour de la présidentielle, au salon de l'automobile ou encore devant les grilles du Parti socialiste. Alors oui, nous n'avons certainement pas été parfaits, nous pouvons largement nous améliorer. Nous avons parfois encore quelques excès de spontanéité, mais peut-être est-ce là notre richesse, cette fraîcheur et cette fougue qui caractérisent souvent si bien la jeunesse. Et cette fraîcheur, je vous propose de la vivre encore pendant deux heures, nous allons revivre les grands moments de ces 3 ans d'émission, mais aussi recevoir un invité très spécial. Et pour commencer, je salue ceux qui, depuis plusieurs saisons, sont ici avec nous. Ce sont les chroniqueurs, bien sûr, l'émission ne serait rien sans eux. Bonsoir Samuel. Bonsoir Adrien, et pour la dernière fois, comment vas-tu? Écoute, ça va très bien, et toi? Ça va très bien. Bonsoir Julien. Bonsoir Adrien, c'est vrai que j'ai commencé tôt, même avant. Au bout de 3 ans, il n'y a toujours pas pris de voiture. Déjà, ça commence bien. Bonjour Adrien, oui, c'est vrai que ça fait longtemps que je suis ici, même avant que ça s'appelle Apprendre ou à débattre. C'est vrai, petite référence, historique. Voilà, je suis là depuis longtemps. Voilà, à bon entendeur, salut. Salut Arthur, toujours à la régie. Toujours. Bonsoir Adrien, et oui. Fidèle jusqu'au bout. Exactement, et moi je serai ici aussi l'année prochaine, la saison prochaine. Et puis salut Aguilad. Bonsoir Adrien. Bonsoir à tous. Écoute, c'est un plaisir de te retrouver pour cette dernière émission. Salut Raphaël. Bonjour Adrien. Salut Théo. Bonsoir Adrien. Et puis bonsoir Mathilde. Bonsoir Adrien. Et puis je salue également Robin et Cassandre qui malheureusement n'ont pas pu venir ce soir mais qui tous nous saluent et qui ont tenu à dire que voilà, ils auraient bien aimé être là ce soir. Et pour commencer, eh bien puisque on parle des moments qu'on a aimés dans cette émission, je vous propose de voir quel moment a préféré, quel moment a voulu retenir chaque chroniqueur de cette émission. Je propose qu'on commence par Samuel. Et oui, Adrien. Alors on va écouter ce que tu nous as choisi. Je pense que c'est la seule et unique fois où j'ai pleuré dans l'avion du retour. Franchement, c'est parce qu'en fait, moi, ma mission, elle a été vraiment découpée en deux. J'ai passé une semaine en fait en côté israélien, oui, dans une ville qui s'appelle Ashkelon, qui est donc à la frontière avec la bande de Gaza. Et pourquoi j'ai passé une semaine là-bas, c'est que l'État israélien nous empêchait d'entrer dans Gaza. Donc le oui. point de passage dans une ville qui s'appelle Erez était bloqué, était pour fermé. La sécurité. Exactement. Ils oui. considéraient que pour des raisons de sécurité, on ne pouvait pas rentrer. Très bien. Et donc, du coup, on a dû attendre l'ouverture de ce point de passage. Et donc, pendant cette semaine-là, forcément, on rencontre les gens, on rencontre les Israéliens à la frontière, qui se prennent aussi, c'est la vérité, hein, qui se prennent des kassam, donc des petites roquettes régulièrement sur leur maison. Il y a aussi des enfants qui meurent. Bon, voilà. Donc, forcément, quand on rencontre des êtres humains, il y a toujours de l'empathie, on essaye de comprendre leur situation. Très bien. Et puis, au final, au bout d'une semaine, OK, le point de passage à Erez ouvre et donc on peut rentrer dans Gaza. Bon bah là, c'est absolument inimaginable. C'est-à-dire que il y a des. À un moment, je me tourne vers une maison, je comprenais pas vraiment très bien pourquoi elle était dans cet état-là. Bon, elle était complètement détruite, mais j'avais l'habitude de voir des maisons détruites. Et là, je me retourne et je comprends. Et en fait, un char était passé en travers de la maison. C'est une prison à ciel ouvert. Pourquoi ce choix, Julia Delage, grand reporter à BFM TV? Eh bien écoute, Adrien, cette émission, c'était l'occasion de rencontrer, de connaître vraiment les ressentis d'une journaliste de guerre. Généralement, on écoute plus les journalistes de guerre pour ce qu'ils ont à dire sur le pays. Et là, on écoutait vraiment ses ressentis. Et c'est ce qu'on n'entend pas souvent. Et c'est vraiment quelqu'un qui va sur le terrain. Et on peut avoir une vision directe de ce qui se passe là-bas. Et c'était vraiment un plaisir. On l'a écouté vraiment. Très intéressante, qui résumait vraiment bien tout ce qui se passait au Moyen-Orient. Julien, on va écouter ce que tu as sélectionné. Allons-y. Alors, je vais commencer avant de donner la parole au chroniqueur par une question très directe qui va s'adresser aux deux invités. Avez-vous été surpris par l'élection de Donald Trump? On va commencer par la journaliste de la soirée, Laure Mandeville. Écoutez, je crois que pas tant que ça en ce qui me concerne. C'est vrai que je crois que j'ai été, ça a été dit maintenant depuis pas mal de jours dans la presse, l'une des seules à imaginer l'impensable et à, dans une certaine mesure, prédire. J'ai pas prédit exactement qu'il serait élu, mais j'ai jusqu'au bout pensé qu'il pouvait être élu. Oui, vous avez évoqué la possibilité, oui. Absolument, plusieurs fois, et donc cela ne m'a pas tellement étonnée, et je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en fait, pendant toute cette élection, moi ce qui m'a frappée tout au long de cette année, depuis le début de la primaire en fait, donc ça fait même plus d'un an, ça fait un an et demi que cette affaire a commencé, c'est que Donald Trump a été l'homme du moment, l'homme de cette année électorale, tout au long de la campagne, c'est-à-dire depuis le début de la primaire républicaine, c'est lui qui a défini absolument tout le jeu politique, qui a peu à peu éliminé tous ses adversaires, changé toutes les règles du débat. Julien, c'est Laure Mandeville qui parlait, grand reporter au Figaro, qui parlait de l'élection de Donald Trump. Pourquoi avoir choisi cette émission? Écoute, je l'ai choisi parce que d'abord je l'ai écouté en, parce que j'étais pas présent ce jour-là, j'ai dû l'écouter en entier quand j'ai préparé mon oral de Sciences Po puisque ça parlait de Trump, etc. Et j'en ai parlé pendant mon oral de Sciences Po et le livre était très intéressant et c'était une analyse qui diffère un peu de ce qu'on pouvait lire d'habitude et du coup ça m'a peut-être aidé en tout cas à entrer à Sciences Po, donc j'ai choisi cet extrait, voilà. Maintenant on va écouter ce qu'a choisi Mathilde. Impuissant, on l'était tous face aux attaques de Charlie Hebdo. Donc il ne s'agit pas d'être philosophe, c'est pas l'impuissance de la philosophie, c'est l'impuissance du citoyen devant un massacre perpétré par des connards, eux-mêmes aidés en cela par une idéologie à laquelle ils avaient la liberté de ne pas adhérer. Je veux dire, donc par des connards inexcusables. Mais au-delà de ça, effectivement, quand on est confronté à un épisode comme ça, on peut tout simplement remarquer à quel point il faut ne pas croire en Dieu pour croire qu'on le défend en tuant les gens qui en parlent mal. C'est-à-dire pour le croire susceptible d'être offensé par des caricatures de lui-même. Il faut n'avoir rien compris au Dieu qu'on prétend défendre pour croire qu'il a besoin d'un tel coup de main, si vous voulez. Donc ça, c'est une première chose. La première chose à remarquer, c'est l'impiété du fanatique. Ce qui est une chose qu'on oublie de dire. On croit que le fanatique pêche par excès de foi. Le fanatique est violent par manque de foi. Le problème du fanatique, c'est précisément l'absence de foi. Ça n'est pas l'excès de la foi. Donc ce sont des observations de cette nature qui n'ont aucune prise naturellement sur le fanatisme lui-même, mais qui peuvent avoir une prise sur ceux qu'on appelle les indécis, c'est-à-dire ceux qui ne savent pas quoi penser de quelque chose et qui hésitent entre plusieurs options. Alors Mathilde, le choix de Raphaël Antoven, philosophe. Moi, c'est une émission qui m'a beaucoup marqué et c'est vrai que les attentats dont il parle dans cet extrait ont marqué les 3 ans d'émission et je trouve qu'il a su prendre beaucoup de recul et que c'était assez remarquable. Merci Mathilde, et c'est vrai que ça a été vraiment un beau moment qu'on a passé avec Raphaël Antoven. On va écouter ce que nous a choisi Théo. En fait, quand j'étais petit, je voulais surtout présenter des émissions de variété, en fait. C'est ça qui me fascinait tout petit. Je regardais les variétés à la télévision et je reproduisais ça dans ma chambre. Je faisais mes conducteurs, je lançais les chansons, j'interviewais les chanteurs, etc. Et le sport, j'y suis arrivé par un biais un petit peu détourné. J'adorais le sport. En fait, ma première émotion de sport, si je puis dire, c'était une finale de championnat de France de rugby. Et en fait, je crois qu'il y avait Toulon, enfin j'étais quand même gamin, hein, mais de voir à la fin du match des joueurs qui explosaient de joie et les autres qui étaient couchés par terre en pleurs, ce contraste entre les deux attitudes des joueurs, ça m'avait impressionné. Et voilà, et puis bon, mon frère, en fait, pour faire court, en fait, était pigiste au Dauphiné Libéré, et puis il a réussi à me faire rentrer au Progrès, en fait, si je puis dire, enfin force de harceler le responsable des sports, il a dit bon, en plus j'avais 17 ans, 18 ans, j'en faisais 14, il croyait que c'était un gamin qui venait, donc voilà. Et j'ai commencé comme ça. Et puis après, la radio, Radio France Bleu, donc à Grenoble, et ensuite France 3 Grenoble. Alors vous aurez reconnu Laurent Luyat, chers auditeurs, qui présente notamment Roland Garros, le Tour de France, plein d'autres événements sportifs sur France Télé. Théo, pourquoi ce choix ? Bah, c'est vrai qu'en tant que vrai fan de sport, comme. Vous pouvez le savoir maintenant. On le sait, au bout de 3 ans. Ouais. C'est ça. Pouvoir découvrir un peu les coulisses de ces événements sportifs tels que le Tour de France, tels que Roland Garros, j'ai trouvé ça vraiment super intéressant. En plus, à travers Laurent Luyat, qui est vraiment quand même une vraie célébrité de la télévision aujourd'hui, qui présente donc par exemple Roland Garros. Et il s'est vraiment mis un peu à notre hauteur. Il nous a vraiment tout expliqué. J'ai trouvé ça vraiment, vraiment génial de pouvoir discuter avec quelqu'un comme lui. Merci Théo. Raphaël. En tant que média, un soutien d'une quelconque mairie ou d'un quelconque État. Pour moi, parce que un média, c'est censé être indépendant, que ce soit dans sa ligne éditoriale, que ce soit dans ses choix d'émissions et de chroniqueurs. Il n'y a pas à ce que il y ait un soutien politique qui peut interférer avec, je dirais, cette liberté qu'on peut avoir avec les médias. Et c'est pour ça, d'ailleurs, dans cette démarche, qu'on a fait un crowdfunding. C'est-à-dire, moi, je cherche pas à avoir des subventions, je cherche à établir un lien avec ceux qui nous écoutent et ceux qui veulent écrire pour nous et qui nous lisent. Je veux pas essayer d'avoir une relation avec une administration qui va me donner de l'argent qu'il a tout simplement pris par l'impôt. Pourquoi ce choix, Raphaël ? C'est Raphaël Amselem qui a lancé son propre média, on rappelle. Parce que finalement, en fait, Webset Radio et notre émission, c'est une émission qui veut promouvoir la parole des jeunes. Et qu'est-ce qu'on fait ? C'est que toutes les semaines, on essaie de faire entendre notre parole, celle d'une génération. Et donc là, ce qui est bien, c'est qu'on a pu mettre en avant dans cette émission des jeunes qui... Oui, c'était l'émission Les Jeunes qui Innovent. Voilà, des jeunes qui innovent. Et c'est ça qui m'a beaucoup plu. Et donc, également dans cet extrait précisément, il fait une louange de la liberté de la presse et de l'indépendance. Donc, je crois à la liberté d'expression et c'est bien que des jeunes innovent et n'ont pas besoin de subventions ou de mairies pour réussir, mais peuvent le faire tout seuls. On terminera par Gilad et Arthur. Alors, je vais passer le morceau que j'ai choisi. Et il y a toi, Adrien, aussi. Oui, c'est pour ça qu'on je vais, ah on oui. va mettre maintenant le morceau que j'ai choisi. Ton morceau. Regardez ce qui s'est passé le 16 novembre et vous avez voilà donc un. Un attentat à Paris, 130 morts, 350 ou 380 blessés. Et regardez ce qui se passe. Oui. Vous voyez apparaître. Donc, ce que moi j'appelle une culture de guerre. Oui. Exactement comme une culture de guerre est apparue dans une certaine mesure aux États-Unis, après le 11 septembre 2001. C'est-à-dire que d'un seul coup, il y a une forme de regroupement autour du pouvoir politique. Ces actions, ces décisions ne sont pas contestées, ni d'ailleurs contestables. Elles sont contestées ou contestables par une infime minorité qui conteste en se taisant d'ailleurs plutôt qu'en s'exprimant ouvertement. Le soutien à ceux qui combattent entre guillemets, donc forces de l'ordre, militaires, ça a été immédiatement extrêmement marqué. Une forme d'état d'exception se met en place, ce qui paraît à chacun absolument légitime. Il y a un ennemi. Cet ennemi est immédiatement stigmatisé dans les conversations privées, de manière très violente, dans l'espace public, de manière extrêmement marquée. La parole se libère, c'est une parole très très très agressive. Vous voyez comment, sur une agression, certes atroce, scandaleuse, etc., mais une agression qui n'a pas l'importance d'une entrée allemande, d'une armée allemande, pardon, entrant en Belgique et dans le nord de la France avec 1 million de soldats. Vous voyez les faits. Alors Adrien, Stéphane Audon-Rousseau, célèbre historien, pourquoi lui ? Spécialiste de la Première Guerre mondiale, parce que j'ai beaucoup aimé le parallèle qu'il a fait entre la situation actuelle et la situation pendant la Première Guerre mondiale, et je trouve que c'est toujours intéressant de donner une portée historique aux événements, et je pense que c'est pour ça que c'était une émission particulièrement intéressante, parce qu'on n'a pas juste parlé d'histoire ancienne comme ça, mais on a vraiment lié avec les événements actuels, donc c'était particulièrement intéressant. On va écouter ce qu'a choisi Gilad. Le 23 avril, l'événement est sur Webset Radio. Vivez le premier tour des élections présidentielles en direct sur Webset Radio. Dès 19h45, les premières estimations du taux de participation avec notre partenaire Bonbonche Statistique et à 20h, découverte des résultats. Quel candidat au second tour ? Quelle avancée pour le Front National ? Emmanuel Macron continuera-t-il sur sa lancée ? Autant de questions auxquelles nous répondrons durant cette soirée. des décryptages en plateau avec de jeunes éditorialistes, des lives depuis les QG de campagne des candidats avec nos envoyés spéciaux. C'est une soirée électorale différente et innovante que vous pourrez suivre en direct sur Facebook Live et WhatsApp. Présidentielle, la grande soirée animée par Adrien Brachet, c'est le dimanche 23 avril à partir de 18h45 en direct sur Webset Radio et Facebook Live. En partenariat avec Bang Moon Jeu, Acta Politique, l'agence presse jeune et Scruteur. Allez Adrien. Alors, pardon, je croyais que Samuel allait parler, j'ai compris ce que tu voulais. Gilad, donc les deux grandes soirées électorales de Webset Radio en partenariat avec d'autres médias jeunes, pourquoi ce choix Gilad? Bah, j'ai trouvé que c'était intéressant déjà que vous êtes allié avec d'autres médias jeunes. Mmh. Bah, ça donnait une autre vision de la politique, surtout pour des résultats électoraux qui sont souvent très ennuyants à regarder sur les chaînes basiques comme TF1, etc. Je trouvais que ça avait un autre point de vue et fait par des jeunes, ça a été plus intéressant. Moi qui l'écoutais après... J'ai trouvé les analyses très intéressantes, les invités, et puis bah, chacun pouvait donner son avis, donc je trouvais que c'était très bien. Et si je peux rajouter un mot, je pense que c'était un plaisir pour toute l'équipe vraiment d'être accrédité dans les différents QG, c'était une expérience on a eu beaucoup de chance, un peu inoubliable. Même si l'équipe de Fillon était un peu chiante sur les bords. voilà, merci. Merci. Et puis pour terminer, je vous propose de voir ce qu'a choisi Arthur. Oui. Vous écoutez RTL. Il est midi et demi. D'abord les titres de cette mi-journée. C'est avec vous, Philippe Robuchon. Patrick Peloux va cesser sa collaboration avec Charlie Hebdo. Il l'a annoncé hier sur une radio étudiante. Depuis que la rédaction a été décimée par un attentat le 7 janvier dernier, quelque chose est terminé, dit l'urgentiste. Le journal inattendu. RTL. Figure marquante de Charlie Hebdo, Patrick Peloux annonce qu'il ne va plus travailler avec l'hebdomadaire satirique. 8 mois après l'attentat des frères Kouachi qui avait tué 11 personnes dont 8 membres de la rédaction, Patrick Peloux, 52 ans, a fait part de sa décision hier. Il était l'invité de Webset Radio, une radio étudiante. Écoutez. Si j'ai décidé d'arrêter d'écrire dans Charlie Hebdo, c'est parce qu'il y a quelque chose qui est fait. Quelque chose qui est peut-être abouti, qui est terminé. Il y en a d'autres qui vont continuer ce journal et je reste Charlie Hebdo dans l'âme. Mais il faut savoir tourner la page un jour. Et pour aller mieux, parce qu'on ne va pas bien après ce qu'on a vécu, c'est parce que je pense que je n'apporte plus rien à ce journal. Et il arrive un moment où il faut savoir s'en aller quand les choses sont terminées. Je finirai l'année, sans doute début janvier, un truc comme ça, et je m'en irai sans tambour ni trompette. Je ne suis pas courageux, je ne suis pas un héros. Je n'ai plus le courage de continuer à chaque semaine. On vous parle des attentats, je ne veux plus en parler. C'est probablement la dernière fois que j'en parle dans un média, parce que c'est épuisant, sans cesse. Arthur, pourquoi ce choix lorsque Patrick Peloux avait annoncé son départ de Charlie Hebdo à notre antenne? Eh bah Patrick Peloux, tout simplement parce que c'est quelqu'un de très remarquable pour après tout ce qu'il a fait, etc. à Charlie Hebdo, et surtout parce que je trouve ça très très classe qu'une web radio puisse passer sur RTL aussi. Et, pas que sur RTL, on a fait d'autres radios, on a fait Europe 1, on a fait BFM, télés, etc. Et The Independent en anglais. On a même fait des plein de pays. On a fait aussi des médias russes, on a fait plein de russes. On a fait des journaux russes. Tous les caractéristiques sauf Webset Radio. C'était génial. Bon alors Arthur, on vous a préparé quelques petits extraits un peu décalés de cette émission. Eh bien oui. Est-ce qu'on met nos casques? Comme vous voulez, c'est vous qui voyez. Non, on va parler comme ça, tout le monde entend. Plus fort, Léo, oui, très bien. Alors ce soir, donc, je vous ai préparé donc un petit bêtisier et un petit extrait qu'on va écouter tout de suite, c'est avec Samuel justement. Écoutez bien la voix. Écoutez bien la voix qui est vraiment très très classe. Le problème, c'est confier ça à Bradley Cooper qui est quand même pas l'acteur le plus subtil du monde. Ça devient un peu problématique à l'écran. Voilà, à vous Samuel. Je pense qu'en fait, ce qui fait polémique, c'est surtout montrer à l'Amérique entière qu'un sniper qui tue 168 personnes après n'a aucun remords et n'éprouve aucun remords sauf à quelques moments. Et je pense que c'est ça qui fait le plus polémique. Alors, mon top cinéma, j'en ai vu pas là, beaucoup cette année 2014. Ce qui m'a bien plu, c'était Interstellar. Et dernièrement, American Sniper. Commentaire sur cette voix, voilà. Très virile, Samuel. Écoutez. Non, non, mais en vrai, c'est vrai que j'ai mué assez tard. C'est pour ça que j'avais cette petite voix fluette. Théo, on va écouter une séquence maintenant de Théo. Alors, non, Théo, je peux la ressortir le son parce que là, je ne l'ai pas actuellement, mais je pourrais le ressortir à la fin. Dans la soirée, ça. Avec Guillaume Meurice, ça peut être pas mal. Très bien. Ah oui, mais il y a. Sur vocale, on peut simplement l'appeler et je peux vous dire. Vous pouvez appeler Théo si vous voulez. Vous pouvez appeler Théo 06 80. Il a toujours la même annonce vocale. Alors, Adrien, toujours en quête de quelque chose, mais Adrien, que vas-tu faire maintenant? C'est une question, on l'écoute tout de suite. Quoi? Sur ce petit. Adrien, peut-être une vocation? Ah non, oui, c'est que je pose toujours la même question. Tu poses toujours la même chose. Vous avez remarqué ça. Est-ce qu'on peut dire que la politique est pour vous une vocation venue de l'enfance? Alors, une première question, qu'est-ce qui a motivé votre engagement en politique? Est-ce que vous aviez une vocation? Intéressons-nous à votre métier. Est-ce que. Bon, c'est la question par laquelle passent un petit peu tous nos invités. Est-ce que pour vous, le journalisme, c'était une vocation, une passion? Et pour commencer, la traditionnelle question que l'on pose aux hommes politiques et aux femmes politiques que nous recevons, comment en êtes-vous venu à la politique? Était-ce une vocation? Pour commencer, Jacques Généreux, qu'est-ce qui vous a mené à l'économie? Est-ce qu'on peut parler d'une passion? Voire d'une vocation. Et Adrien, qu'est-ce qui t'a mené à la radio? Est-ce une passion, une vocation? Ça doit être une vocation sûrement. Ça doit être très certainement une vocation. C'est pour ça d'ailleurs, je sais que tu as toujours été très ambitieux et que tu vises toujours très haut. Et est-ce que tu vas peut-être arriver sur Europe 1 un jour? C'est une question, on écoute maintenant. On parle de créativité, qu'est-ce que vous prévoyez à la rentrée sur Europe 1? Est-ce qu'il va y avoir... Ça je peux pas vous le dire. Est-ce qu'il y a quelques pistes peut-être, un bouleversement de la grille comme certains l'annoncent? Vous avez déjà des noms qui commencent à venir ou... Ah oui, si le 28 juin j'ai pas de nom, on est très très très mal. C'est Adrien Brachet, peut-être on sait pas. Mais... Ouais, on pense à lui en effet. Voilà, donc c'était donc Denis Oliven, me semble-t-il, qui t'avait dit ça. Hein, peut-être qu'on pensait à toi. Et d'ailleurs, sur Denis Oliven, j'avais aussi un autre son quand je l'ai taclé un petit peu par rapport à Bruno Guillon et sur Médiamétrie. Pour continuer, donc, Morandini, par rapport à. Quand Morandini tente une blague sur FC Radio et que ça marche pas. En c'est fait. Ça, quand ça fait un gros flop totalement. Écoutez, vous allez entendre. Patrick Peloux annonce à son tour qu'il quitte Charlie Hebdo. Le médecin urgentiste estime qu'il n'apporte plus rien au journal. Je m'en irai sans tambour ni trompette en début d'année prochaine, a-t-il expliqué c'est sur raté, la radio. Là, de trompette. Oui, c'est vrai qu'on en parle beaucoup pour le coup. Il s'est exprimé pourtant sur une toute petite radio, hein, radio étudiante Web7 Radio. Patrick Peloux a affirmé ne plus avoir le courage de continuer désormais chaque semaine. Une annonce qui intervient alors que le dessinateur Luz a aussi annoncé son départ pour la semaine prochaine. Voilà, donc c'était encore par rapport donc justement dit, à Patrick il Peloux. Il a dit... Sans tambour, ni trompette, c'est raté. Voilà, et sa blague n'a pas marché. C'est ça. Personne n'a compris ou oui, personne n'a tilté. En fait, c'est une phrase affirmative. Voilà, c'est ça. Mais personne n'a tilté sa blague en fait. Bob l'éponge. Si je vous dis Bob l'éponge, qu'est-ce que ça peut vous dire? Parce que quand on invite un spécialiste de cinéma et en fait, on se rend compte que on s'attend à ce qu'il parle de grands films élaborés, machin. Et voilà ce que ça donne. Le top, je suis ravi parce que Bob l'éponge, le nouveau film, fait un carton en salle. Mais d'ailleurs, vous avez un fan. Je suis un fan de Bob l'éponge. Je l'assume. Je n'ai plus l'âge depuis fort longtemps, mais je trouve que c'est un des dessins animés les plus réussi. Vous l'avez vu? Le film? Oui. Ah non, mais j'ai toutes les saisons à la maison. Ne cherchez pas à m'avoir sur Bob l'éponge. Exactement pareil faire, aussi. Je peux vous faire une émission entière sur Bob l'éponge, sur Patrick et sur toute la bande. Voilà, donc il pouvait nous faire une émission entière. Donc c'était un auteur du Masque et de la Plume. Voilà, c'est ça. C'est ça, exactement. Et enfin, pour finir, je pense que ça va être l'un des meilleurs. Attention, quelqu'un ici dans l'équipe doit trembler. Voilà, c'est ça. Quelqu'un va prendre pour son grade ce soir. C'est parti. C'est un moment magnifique. Ah, c'est ma c'est le moment ou jamais. Voilà. Est-ce qu'on peut la repasser une deuxième fois? Tu veux la réentendre? Parce que franchement, Julien, tu étais magnifique. On la réécoute. Oh, ils ont coupé le. Voilà, donc c'était ce moment magnifique donc de Julien que on vient d'entendre actuellement. Une réaction peut-être Julien. Et voilà, une réaction à chaud de ce magnifique moment de solitude, on peut dire aussi en même temps. Comme dirait Solange Briette Charton, j'ai choisi d'être un blaireau. Aussi, ouais, ça aurait pu fonctionner effectivement. Donc ce soir, Adrien, je crois qu'il nous propose un quiz. Adrien, dis-nous tout. Et oui, c'est le, c'était une tradition chaque c'est fin une... de saison. Ouais. Ah, on faisait un petit quiz et là c'est le dernier quiz de la saison. Tout le monde attendait le quiz de fin d'année. Ah mais c'est le dernier, c'est le dernier. La dernière. Ouais, Théo a gagné la dernière fois, je me rappelle. Alors, je crois qu'il y en a eu plusieurs. Non mais il y a un coup, tu as gagné, il y a un coup. Les gars, je vous explique. Est-ce qu'on m'entend là? Est-ce qu'on m'entend là? Faut parler devant vos micros. Alors, je rappelle les règles. Je vous pose des questions. Si vous répondez sans les trois propositions, vous avez deux points. Si vous répondez avec les trois propositions, vous avez un point. Et vous levez la main, c'est le premier qui lève la main. On lève la main. Si vous dites la réponse sans lever la main, vous n'avez pas le point. D'accord. Okay, on est d'accord, c'est la règle. Allez. Ok. Alors, on commence par une question plutôt facile. Si vous avez bien entendu écouter le début de l'émission. Avec l'émission d'aujourd'hui. Ah, c'est Raphaël. 94e. C'est ça. Combien y a-t-il eu de numéros d'apprendre dans les battes? Excusez-moi, Adrien n'a même pas encore fini de poser la question. Ah oui, mais ils ont le droit. Il y a un peu de triche. C'est logique. Non. Là, c'était logique. Parce qu'en fait, des personnes qui sont assez intelligentes dans la salle ont compris la question. Les autres. Il y a de la triche. Alors, deuxième question. Deuxième question. Quel candidat à l'élection présidentielle. Je crois que c'est Samuel. Philippe Poutou. Voilà, tout à fait. Quel candidat à l'élection présidentielle de 2007 ayant obtenu ses 500 parrainages est intervenu sur Website Radio. En fait, ça fait deux points pour Raphaël et pour Samuel. C'est ça ce qui me semblait. Ouais. Et on écoute. Ah oui, on écoute. On écoute ce qu'il avait à nous dire. Bonjour, c'est Philippe Poutou sur Website Radio. Voilà, il avait d'autres choses à nous dire. Et on se souvient, cette phrase a été induite par Samuel. Oui, c'est Samuel qui a eu l'idée de faire cette phrase et puis Poutou. De nous faire un petit liner pour la radio. Question suivante, Adrien. On reste encore dans du pas trop difficile, hein, mais bon, c'est pas sûr. Quel invité de Apprendre ou à débattre s'est fait connaître pendant la canicule de 2003? Ah, c'est Mathilde. Patrick Peloux. C'est ça, oui, tout à fait. Exactement. Ça fait 2 points pour Mathilde. 2 points pour Mathilde. Vous savez ça? Parce qu'il était là, il m'a dit. C'est ça. Question suivante. Pendant la canicule de 2003, en donnant l'alerte aux médias de ses conséquences dans les services hospitaliers. Au cours de ces 3 années, alors là ça devient un peu plus dur, et là forcément il n'y a que les 3 propositions. Au cours de ces 3 années d'émission, nous avons reçu plusieurs historiens. Lequel des invités suivants n'est pas historien? Mathias Leboeuf, Dimitri Casali ou Stéphane Dozaruzo? Non, c'est moi. C'est Raphaël. C'est Mathias Leboeuf. Ouais. Alors, un philosophe. Puisqu'il est philosophe et qu'on avait discuté de laïcité avec lui. Et d'ailleurs, il y avait un très bon extrait pour. Que je n'ai pas. De bêtisier de Mathilde qu'on n'a pas réussi à trouver. Non, t'as eu 3 propositions. Non, un point. Ah, bah t'as 1 point. Non, il y avait 3 propositions. Et Mathilde avait confondu les crèches pour les enfants avec les crèches dans les écoles. Spoilez pas les trucs. Moment magique qu'on aurait pu mettre. Mais on n'a pas l'extrait. Non, mais spoilez pas, les gars. On a cherché. On a pas parle dans le micro s'il te plaît. Mathilde a eu beaucoup de chance. Mais t'es sûr qu'on m'entend hein? Oui, on t'entend. Mais on peut être le haut-parleur ou pas? Oui, non, pas avec ton micro. Okay. Non, mais... Alors, dans cette émission, nous avons reçu beaucoup d'écrivains, mais un seul a remporté le prix Goncourt. Oh non, là c'est toi. C'est Julien. Non, c'est Julien. En revanche, je rappelle que c'est de la radio. Atik Raimi. Oui, il a pas parlé dans le micro. Non, mais Atik Raimi, ferme ta gueule. Non, c'est pas le Julien a dit Atik Raimi. Ça fait 2 points pour Julien. Donc si vous entendez pas, mettez vos casques. Il y a 20 questions au total et on en est à la 5e. Ouais. Dans le numéro 28 de Apprendre ou à débattre. Tout de suite, ils sont au taquet. Ça triche. Hein, notre invité nous a dit quelques mots dans une autre langue que le français. Ah, c'est Raphaël. C'est Raphaël. Puisque c'était. C'est Roberto Salazar du Cercle Latin. Du Cercle Latin de Paris qui était venu nous parler en latin. D'ailleurs, il a écrit un mot en latin sur le Livre d'Or, il n'a toujours pas été traduit. Donc, si ça intéresse quelqu'un, je voilà, parle dans ton micro, Adrien. Exactement. Pour la fin de l'émission, tu nous traduis. Comment? Ouais, j'ai vu que tu as dit. Mais donc, pour la fin de l'émission, du coup, tu nous traduis. Ça fait 2 points pour Raphaël. Il oublie pas. Raphaël, prends le large. Dans le 48e numéro de Apprendre à débattre, ouais, tout de suite. Très précis cette fois-ci. Avec Alexandre Stachenko, nous avons découvert une découvert une innovation. Quelle était cette innovation? Les 3 propositions. La réalité virtuelle, la blockchain ou l'imprimante 3D? Je crois que c'est Julien. C'est Julien. L'imprimante 3D? Non. Non. Non, c'était Théo après. Ah, c'est Théo ou Guilad? C'est Guilad. Non, je dis la blockchain. Mais non, mais non, mais non, personne n'a le point. Personne n'a le point. C'était évident, il y avait un mot un peu compliqué. Adrien, il ne serait pas allé chercher ça. Donc le blockchain, qui est donc une technologie de stockage et de transmission d'informations transparente, sécurisée et fonctionnant sans organe central de contrôle, apparu en 2008 avec la monnaie numérique, le Bitcoin. Ça sert le Bitcoin, en fait, c'est ce qui paraît. C'est ce qui permet au Bitcoin. Mais ceci dit, moi, j'ai fait toute l'émission, j'ai toujours pas compris ce que. Oui, mais c'est pas compliqué, Adrien. Je t'expliquerai en off. Question numéro 8. Le ou laquelle de nos invités diplômé de Sciences Po a été membre à... Oui, alors Samuel, si tu peux, tu peux la tenter. Je me souviens plus de son nom. Il y en a eu plusieurs diplômés de Sciences Po. Oui. Julia Cagé. Non. Non. Il faut aller jusqu'au bout de la question. C'était la fille de maman. A été membre à 15 ans d'un groupuscule d'extrême gauche proche de la Ligue communiste révolutionnaire. Oui. Junior. Cécile Duflo. Non. Non. Est-ce que vous voulez les trois propositions? Oui. C'est la fille qui a écrit le livre. Oh, non. C'était l'écrivaine. Non, c'est pas né. Est-ce que je donne les propositions? Non, non, Julien. Non. Ils ont pas le droit de lever deux fois. Ouais, la main. Non, ouais, c'est vrai. Ouais, je précise, je donne les trois. Je donne. C'est comme dans question pour un champion. Marie-Laure Harel. Non. Alors les trois propositions, c'est. Ouais, mais on sait jamais. Thomas Thévenoud, Denis Oliven ou Madeleine Bazin-Jessé. Je crois que c'est Raphaël. C'est Madeleine. Ouais, possible. Elle est sans commun. Ouais, c'est Samuel. J'ai pas le deuxième, mais je pense que c'est Philippe Poutou. Non. Mais il est pas dans les trois propositions. Ah, d'accord. C'était Théo, ouais. Mais attendez, tu peux me redonner les questions, voilà, peut-être. Il reste deux propositions. Alors attendez, baissez vos mains. Voilà. Et on va voir qui lève le plus. Si j'ai une chance sur deux. Il en reste deux. Non, mais y a pas de ça. Non, c'est le plus rapide. Ah non, mais posez. Attention. Pose ta main, Théo. C'est soit Thomas Thévenoud, soit Denis Oliven. Samuel. Denis Oliven. Oui. Oh, ça fait un point pour Samuel. Mais t'étais là pendant une émission. Ils ont levé la main lorsqu'on a dit Thomas Thévenoud et pas Denis Oliven. Bah oui, j'ai fait par élimination. Moi, j'ai levé la main. Oui, mais il a fait par élimination. Un demi-point. Mais non, parce que logiquement, ils auraient dû répondre à la question lorsqu'ils ont levé la main. Parce que tu n'avais pas dit Denis Oliven. Bon, on s'en fiche, Théo. Je l'avais dit avant. J'ai levé la main lorsqu'on a dit. On continue. Le ou laquelle de nos invités. Alors là, ça devient déjà plus difficile, sauf que cette question a été posée il y a 2 ans dans le quiz de la fin de saison. Et oui. Ah bah oui, je m'en souviens, c'était la question 6. Tout à fait. Exactement. Le ou laquelle de nos invités, fan absolu du discours de Dominique de Villepin aux Nations Unies, a dit « Nous, Français, nous avons enseigné la liberté au monde, ça nous confère un rôle tout à fait à part sur la planète, celui de faire la morale aux autres. » Julien, entendu? Non, mais j'entends une Camille de Peretti, je sais non. Pas. Ah, c'était ça, l'écrivaine. C'était pas il y a 2 ans. Vous voulez les trois propositions? Oui, a priori. Yves Tréhard, Mathieu Mabin ou le colonel Goya? Gilad. C'est Gilad. Gilad Tréhard. Non. Donc, non. Oui. C'était Théo. Deuxième. Mathieu, parle dans le micro, Mathieu Théo. Mabin. Théo, parle dans le micro. Théo, c'est de la radio. On parle dans un micro. Oui, il faut parler dans le micro. C'est voilà, Mathieu Mabin, voilà, qui est reporter de guerre. On avait passé une très belle mission avec lui. Yes. D'ailleurs, Robin, qui n'est pas là aujourd'hui, m'a signalé que c'était l'émission qu'il avait préférée. Donc, s'il avait passé un moment, ça aurait été pendant cet entretien. Question numéro 10. Dans Apprendre à débattre, nous avons reçu les fondateurs de la revue littéraire Raskar Kapak. Oui, Samuel. Yves. Je pense qu'on peut déjà faire sortir ces belles voilà. Mais de quelle bande dessinée vient le personnage? Non, j'étais en premier, non vraiment. Bon, allez, c'est Julien. Tintin. Parce... Oui, mais non, putain, ah, c'est Tintin. Il vient de Tintin et les 7 boules de cristal. Ouais, c'est un roi inca dont il ne reste que la momie et qui hante les rêves de Tintin, du capitaine Haddock et du professeur Tournesol. Ça fait un point. Bah non, deux, il n'y avait pas de proposition là. Ah, il n'y avait pas les propositions, effectivement, donc ça fait. Mais c'est pas Samuel. Mais quel c'est pas Samuel sur feu quoi. Ça fait 4 points. Ça fait 2 points pour Julien. On est amis par. J'ai rajouté deux points. On est à mi-parcours, on a fait 10 questions, on va voir où ça en est. C'est Raphaël qui est en tête avec 5 points, suivi de Julien avec 4 points, Samuel 3 points, Mathilde 2 points, Théo 1 point et Gilad pour l'instant 0. Ouais, mais ça va venir. On sent l'absentéisme. Ouais, voilà. Ça se ressent à un moment ou à un autre de l'année. 11e question, Adrien, du tout. Pour le 60e numéro de Apprendre ou à débattre, nous avons reçu César Armand et Romain Bongibaud pour le livre qu'ils venaient de publier chez Fayard. Oui. C'est le livre sur les secrétaires généraux adjoints de l'Élysée. Voilà, oui, c'était ça la question. C'était sur quelle fonction porte le livre? C'est sur le secrétaire. Il a raison. Ah non, ça c'est dit, c'est pas exactement ça. Ah bah non. Oh. C'est pas le secrétaire général adjoint. C'est l'adjoint du président. Moi je suis arrivé à moi. Faut juste attendre. Il y a deux mots juste sur trois. Ça fait 4 sixièmes, excusez-moi. Si jamais il y a une égalité, on dirait. Ça fait 3, ça fait 2 tiers. Si jamais il y a une égalité. D'accord, d'accord. Et donc le livre était s'intitulé Dans l'ombre des présidents, secrétaire général de l'Élysée. Et alors, un bonus d'un point, attention. Attention. Qui est actuellement le secrétaire général de l'Élysée? C'est Guilherme. Coller. C'est ouais. Ça, Alexis Coller. Quelle honte, Julien. C'était pour Raphaël la question à la base. Hein. C'est bien, ça va permettre de donner un point à Guilherme. Parle dans ton micro, s'il te plaît. D'accord, donc c'est Alexis Coller qui est le secrétaire général actuel de l'Élysée qui a succédé à Jean-Pierre Jouyet. Lequel ou laquelle de nos invités, quand il ou elle avait 10 ans, collectionnait dans sa tête, je cite, comme d'autres le font pour les équipes de football, les ministres de François Mitterrand? Une passion très ouais, Samuel. Compliquée. Est-ce que c'est pas Denis Oliven? Non. Non. Mathilde. Thomas Thévenoud. C'est ça, c'est Thomas Thévenoud. Oh, deux points. Ah, deux bien points. Joué, bien joué. Ah, mais deux points pour Mathilde. Parce qu'il n'avait que ça à faire de son enfant, Thomas Thévenoud. Ça, c'est pas vrai. Question numéro 13. Dans le 53e numéro de Apprendre à débattre, nous avons débattu avec Hélène Briand des start-up, des professions réglementées, de la fin là, des monopoles. Oui, ah, Raphaël. Oui, c'est sur les auto-écoles et le code par internet et c'est Ornitearn. Ouais, alors là, c'est ça. Alors là, et la question, oh non, j'allais le dire en plus Ornitearn. La question, dans c'était start-up. Dans quelle start-up travaillait Hélène Briand? Voilà, Raphaël est en forme. De quoi? Et donc c'est la responsable des professionnels de la start-up Ornicar, qui est donc une auto-école en ligne. 14e question. Lequel de nos invités, oui c'est lequel, c'est que des hommes dans les propositions, a traversé à pied le désert. Oh là, j'étais pas. Je crois que c'était Julien. Non, je crois qu'ils étaient vraiment en même temps. Non, alors. J'ai moins de points que Julien, vas-y. Allez, dites-le même temps. Non, c'est abusé. C'est abusé, non vraiment. Alors, on va la refaire. Non, Sauf que lui a triché. On va écouter Samuel qui est neutre. On se calme, s'il vous plaît. Qui des deux a été le plus rapide? Honnêtement, j'étais derrière, je vois les deux. C'était en même temps, donc c'est un point chacun. Voilà. Super. Voilà. Alors, un point pour Théo et un point pour Julien. Présentateur, Julien a un moins sur oui, il est en effet, il est sur voilà, mets mon deuxième point maintenant. Arrête. Ça me faisait un demi, ça me faisait. Parle dans ton micro, Julien. Lequel de nos invités, journaliste, brièvement chroniqueur à Touche pas à mon poste, s'est fait connaître? Oui. Ah merde. Bruno Roger Petit. C'est ça. Ouais. Tout à fait, s'est fait connaître en jetant ses fiches par terre à la fin du journal de la nuit sur Antenne 2. Ouais, Bruno Roger Petit, ça fait deux points pour qu'il aille. Il était là. C'est PMP. Ouais, il s'est fait remarquer justement par un style de présentation du journal télévisé plutôt décalé et impertinent. Le 19 octobre 1997, il termine le journal en jetant ses fiches par terre, et il nous avait raconté pourquoi dans l'émission. Si vous voulez le savoir, écoutez notre émission voilà. Avec Bruno Roger Petit. 16e question. Alors on est à 15 questions, on va faire le point sur le classement. On est à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 points pour Raphaël, 7 points pour Julien, 3 points pour Samuel, 3 points pour Gat, 4 points pour Mathilde, pour l'instant il est sur le podium, et 2 points pour Théo. Je voulais 2 points de François de Noël, donc je suis d'accord. Lequel ou laquelle de nos invités a juré quelque chose sur la tête de sa fille en direct? Oui. Marie-Laure Harel? Non. En direct pendant l'émission. C'était Mathilde. C'est pas Raphaël Antoven? Non. Théo. Comment ça s'appelle? Ah, c'est horrible. Ah, mais je peux dire la fonction. Ah non, c'est horrible. Oui, Raphaël. Zinebel Raouzi. Non. Je fais trois propositions alors. Ouais. Ouais. Anne Sérode, Thomas Guénolé, Alexis Corbière. Oui, c'est Théo. Théo. Anne Sérode. Oui, c'est ça. Qui est directrice de FIP Radio. Et qui a démenti. Théo est prié de parler dans son micro. Merci. Qui a démenti à notre antenne une dépêche AFP qui laissait entendre la possibilité d'une fermeture de FIP Radio. Ça fait un point de plus pour Théo. Tout est encore possible. Hein. Si quelqu'un remporte toutes les prochaines questions, il peut encore gagner ce quiz. Alors là, c'est une question à trois propositions, forcément. Duquel de ces partis ou organisations nous n'avons reçu aucun représentant? Le MRC, Mouvement Républicain et Citoyen, l'UPR, Union Populaire Républicaine. Le MRC? Non. Et je dis la dernière proposition, lutte ouvrière. Voilà. Oui, Raphaël. C'est le parti de François Asselineau. Voilà, tout à fait, l'Union Populaire Républicaine. Puisque nous avons reçu un représentant du Mouvement Républicain républicain citoyen, mouvement chevènementiste, qui était Soël Diab, secrétaire national à la jeunesse au mouvement républicain citoyen. Ah oui. Et pour Lutte ouvrière. D'ailleurs, c'était dans la même émission où on entend ta voix. Et puis Non, ma voix c'était avec le cinéaste. Ouais. Le... Et pour ouais, Lutte, oui, mais c'était aussi, dans la même émission, on avait fait deux invités. Voilà. Ah d'accord, carrément. Et puis pour lutte ouvrière, c'était, on l'a reçu récemment, c'est Olivier Augustin, porte-parole de la campagne de Nathalie Arthaud, qui est ouvrier dans l'usine Renault à Flins. Voilà, Mathilde était là notamment. Elle se souvient bien de ce moment. 18. Ah oui, attendez, est-ce que j'ai mis les points? Non, t'as pas mis les points. Ouais, ça fait un point pour Raphaël. Oui. Question numéro 18 en attendant pour ça notre émission. Moi j'ai perdu un point, mais on m'a donné qu'un seul point quand j'avais la même réponse que Théo. Question numéro 18 pour notre émission spéciale sur les élections américaines. Nous avons reçu James Cohen et Laure Mandeville. Oui. Non. C'était une vanne. Laure Mandeville a publié Qui est vraiment Donald Trump. Elle a été chef du bureau d'Amérique de 2009 à 2016 pour le Figaro. Mais avant, dans quelle ville fut-elle la correspondante du Figaro? Oui, Théo. Washington. Non. Non, Samuel. Londres. Non. Oui. Raphaël. Chicago. Non. On va peut-être vous faire les trois propositions. Non. Londres, Moscou Rambouillet. Ou Toronto. C'est pas loin. Londres, Moscou ou Toronto. Non, non, Londres, mais il a déjà dit Londres. Donc ça peut pas être Londres. Donc c'est Moscou ou Toronto. Je peux pas répondre. Mathilde. Toronto. Non, bon, bah, c'est Moscou. C'est Moscou. Voilà. Elle fut la correspondante de ce journal à Moscou de 1997 à 2000 et elle a couvert de 1989 à 2008 l'ensemble de l'actualité en Russie, dans le Caucase et en Europe de l'Est. Elle collabore avec la revue Politique Internationale et a été présidente de l'association des journalistes France-Russie 8 années durant. Bah, ça, elle est connue notamment, elle intervient régulièrement quand il y a des émissions sur Vladimir Poutine ou sur la situation en Russie. Elle est très régulièrement invitée. Il reste plus que deux questions, ça devient très très chaud. Lequel ou laquelle de nos anciens invités est député de la 7e circonscription de la Seine-Saint-Denis? Alexis Corbière. Tout à fait. Alors ça, Guilad, il connaît tous les invités. Mais bravo. Alexis Corbière. On a reçu Alexis Corbière. Oui, au cours de la première émission. Après, quand il n'était pas connu. APOAD, il m'a voilà, c'est ça. APOAD, il m'a encore. Alors, on va arriver à la dernière question. On va faire le point sur le nombre de points de chacun. Raphaël. Parle dans ton micro, Adrien. C'est mieux, il a gagné 3 points au début. Julien a 7 points. Guilad a 5 points. Il est passé 3e. Mathilde a 4 points. Samuel a 3 points. Et Théo a 3 points. Ce qui signifie. Que la dernière question. Est-ce qu'on fait une finale entre Julien et Raphaël? Ah oui, oui, oui. Non, ça se joue entre Julien et Raphaël. Mais les autres, non, les autres. Les autres, non, les autres peuvent répondre. Les autres peuvent répondre. Attends, moi je peux débattre. Les autres peuvent répondre. Dernière question. Alors là, c'est vraiment. Je pense que vous ne pouvez pas trouver. Alors il n'y a que Raphaël et moi qui répondons. Non, tout le monde répond. Non, non. Alors je pense que vous ne pouvez pas trouver du premier coup. Mais si vous pas genre écrire sur une feuille le prénom, si on fait trois propositions. Non, non, c'est bon, tu dois sortir. Non, mais si pour la première partie. Allez, le ou laquelle de nos invités a été professeur particulier d'un prince d'Arabie Saoudite. Est-ce que vous avez des idées? C'est dur. Est-ce que vous voulez dire des noms d'invités au hasard? Oui, Julien. Chéri de Peretti? Non. Non. Guilad? Bassin de Gesset? Non. Non, non, non, non. C'est compliqué, oui, cette question. Samuel? Bah, c'est pour ça qu'on l'a gardé pour la fin, d'ailleurs. Zineb? Non. Non. Eva Rock? Non. Est-ce que vous voulez les trois propositions? Non, ne dites pas, c'est plus drôle, c'est pas drôle, les propositions, tout le monde triche. Ouais. on est en retard. Je vais donner les trois propositions. Une dernière tentative. Non, donne pas les propositions. Si. Non, mais on est obligé. Par contre, on va faire une chose. Des indices. Comme c'est vraiment la dernière question, je vais. Vous attendez que j'ai fini les trois propositions pour lever la main. Tout le monde va lever la main. En même temps, les gars. Ouais. Donc, non mais donne des indices plutôt. Alors non, ceux qui le savent vraiment lèvent la main, mais les autres qui vont dire au hasard. Oui, on joue. Je joue aussi puisque je n'ai pas la réponse actuellement. Donne des indices, c'est plus drôle. Alors, est-ce Solange Biécharton, Raphaël Antoven ou Laurent Bouvet? Théo. Solange. C'est Solange Biécharton, ce qui fait que c'est Théo prend un point, mais Raphaël remporte le quiz, le grand quiz d'un point droit débat. J'ai du hasard. Et il aura un cadeau tout à l'heure dans la suite de l'émission. Le cadeau, c'est le livre de Solange Biécharton. Voilà, en dédicacé, le numéro de téléphone. Avec une corde. Non, il y aura un cadeau tout à l'heure. Raphaël Antoine. Ah oui, pardon. Raphaël Antoine, c'est sûr. On va rajouter un point à Théo et en enlever un à Raphaël. Voilà. Non, attends, parce qu'il y a un souci, c'est que si tu rajoutes un point à Théo et que tu enlèves un point à Raphaël. Non, mais que ça fait 8 points. Ouais, Raphaël a 8 points. D'accord. Parce que sinon ça aurait fait égalité avec lui et ça. Voilà, Raphaël est donc le grand gagnant du quiz de Apprendre à débattre. Tu n'oublieras pas de me réclamer ton cadeau. Et Samuel Vinogradov. On va pas apprécier. Bon, on va apprécier quand même le deuxième Julien qui a fait une belle performance et qui en plus a déjà remporté un quiz. Et Gilad quand même qui, en n'ayant pas été là très souvent, et réussit quand même à viser le podium. C'est pas mal. Politique ou touche pas mon. Ton micro. Hein, réussit quand même à prendre la troisième position. Bon, maintenant je ne sais pas ce qui va se passer. Moi non plus. Vous avez un quart d'heure, cher chroniqueur. C'est parti. Eh bien, nous allons faire. C'est bon. Merci Arthur. Ah, c'est bon, d'accord. Tu peux mettre une musique de fond. Nous allons faire un petit conseil de classe de toute l'équipe. Donc, c'est-à-dire que Théo, Raphaël, Julien et moi-même avons préparé des petits comptes rendus puisque c'est la fin de l'année. Et nous allons juger la prestation de chaque élève autour de cette table. Et nous commençons directement par Mathilde. Julien, à toi l'honneur. Ah, bah alors attends. Parle dans ton micro, Julien, ça reste de la radio quand même. Hein. Moi je suis au boulot. Alors Théo, Théo, Mathilde, je commence par donner mon avis sur Mathilde. Voilà, donc on a des avis positifs et des avis un peu plus fun. Alors, les qualités de Mathilde, un travail sérieux à chaque émission, ça c'est quelqu'un qui vient en ayant bossé avant, ça on le sent. La ponctualité aussi, c'est important. En négatif, des questions parfois un peu téléphonées, l'utilisation du cours de la Roche pour étayer ses arguments, je pense au cours de SES de monsieur Antoniol par exemple. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Parfois, juste et parfois confusion entre quelques trucs, genre crèche, crèche d'école, crèche chrétienne. Confusion. Une fois en 3 ans, c'est vache. Alors Théo, un petit mot. Oui, donc Mathilde, élève très studieuse, prépare toujours son cours à l'avance, comme l'a dit mon collègue Julien. De plus, travers quand même des questions assez pertinentes. Cependant, elle doit gagner en autorité. Elle se fait trop souvent clasher par ses camarades. Je suis désolé. Raphaël. Oui, donc Mathilde, comme tout le monde le dit, est une élève très sérieuse qui sait approfondir son cours et aller plus loin. Néanmoins, elle peut continuer par des lectures diverses, un approfondissement. Merci Mathilde. Et elle n'hésite pas, car c'est la seule fille de l'émission, puisque Cassandre est partie très récemment, à s'imposer et à clasher Julien, qui souvent la titille. Et puis Samuel. En effet, Mathilde, comme tout le monde a pu le souligner dans ce conseil de classe, est une élève très sérieuse. Elle réalise toujours son travail à l'avance, mais en classe, elle peut ne pas être très concentrée. Notamment en parlant de crèche. La crèche des 3 ans de participation. Mais son travail est toujours fait, elle est toujours présente pour défendre des arguments. Est-ce que Adrien, Arthur ou Gilad a un mot à dire avant de clôturer ce dossier? Ouais, moi je suis d'accord avec les commentaires qui ont été dits. Chroniqueuse très sérieuse, qui vraiment prépare à chaque fois ses questions à l'avance. Je voudrais préciser que je suis la seule en fait. Et qui souvent, quand même, je dois dire. Détrompe-toi. Et qui souvent m'a sauvé quand j'étais à court de questions, a réussi à trouver des questions. C'est vrai. Ouais, notamment face à Olivier Augustin de Lutte Ouvrière, elle a géré. Alors maintenant on passe à Gilad. Et je vais commencer. Gilad est un élève absentéiste. Nous l'avons vu au début de l'année. En cours. Et c'est un touriste. Il se ramène lorsque ça l'intéresse. C'est un bilan mitigé, Gilad, que nous avons aujourd'hui. Et comme point positif, on peut noter son aptitude, notamment à être joyeux et être content en toutes circonstances. Je pense que mes collègues. Je donne la parole à mes collègues, à Raphaël notamment. Oui, c'est un élève qui connaît la politique, car il la vit tous les jours. Elles sont un engagement de militant et c'est bien d'entendre ce genre de voix. Après, oui, bien sûr, il pourrait être plus régulier dans son travail en venant plus régulièrement aux émissions. En venant au moins une fois, quoi. Oui, on l'a pas vu de l'année, mais il est là, c'est l'essentiel. Julien, à toi. Alors, Gilad, les points positifs encartés dans un parti, donc un regard intéressant, différent des autres. Mais du coup, c'est aussi un point négatif parce que du coup, l'émission, comme t'es parti un peu tôt, est devenue un peu plus neutre, un peu plus objective, un peu plus sèche. Et donc on n'est pas toujours merci assez... Julien. Théo, un petit mot. Évidemment que Gilad est tout de même un élève intelligent, mais bon, on peut quand même noter une certaine régression. Présent en premier trimestre, moins présent en deuxième et totalement absent en troisième. Qu'est-ce qui s'est passé? On partira sur ça. Adrien, un petit mot. Très court, non? Je suis d'accord. C'est un homme de terrain, de parti, qui connaît la réalité politique. Et ça, quand on a une personnalité politique en face, ça sert toujours. Et notamment, il sait s'adapter avec Bruno Le Maire, qui est une véritable boussole. Arthur, c'est ton conseil de classe, c'est à commencer maintenant. Et on écoute pour la première fois Théo. Bon, Arthur, je vais pas vous mentir, vous êtes un peu le clown de cette classe, en effet. Oh. Non, mais à travers vos blagues, à travers vos réflexions, vous faites sourire, vous voyez. Ça me change pas d'habitude. Ouais, mais cependant, un point noir, vraiment un point noir, c'est le FN. Je suis désolé. Un point noir, ça il va pas tellement avec le FN, excusez-moi. Il faut vous reprendre. Il faut vous ressaisir, et c'est le mot de Théo. C'est tout, c'est ça. Raphaël. Oui, on sent une vraie connaissance des outils informatiques. Et c'est un peu la pierre angulaire de la radio, puisque sans lui, il n'y a pas d'émission. Sans lui, il n'y a pas d'émission. Et oui. Et oui, il est plus important que chaque chroniqueur ici autour de la table. Et oui, à part moi, peut-être. Tu peux bien préciser. Un petit moment. Bah, bon, je crois que les points positifs, on les a faits, donc on va direct passer au point négatif. Okay. Vulgarité récurrente, tendance à l'exagération de ses capacités à l'ordi et au lit. Bon, voilà. Indisponibilité permanente à partir de 20h30. Façon d'annoncer les chansons toujours beaufs au bout de 3 ans. Mauvais accent anglais. Cette manière de dire silence radio qui fait encore plus de bruit que le reste des invités. Manque de discrétion quand il veut parler à Adrien à travers le micro. Les invités sont toujours gênés. Mais sinon, évidemment, présence indispensable à l'émission. Ah, merci. Il a organisé de nombreuses émissions, assemblé tout ça. Donc vraiment un grand respect. Et Arthur, on va finir par une note positive. En effet, c'est un régisseur hors pair. C'est un maître des machines, il manie la régie comme personne. Et sans lui, on ne serait pas allé à l'Assemblée nationale ou au salon de l'astronomie. Alors, de la gastronomie. Alors, pour tout ça, Arthur, merci. Oh bah merci Samuel pour ce magnifique petit résumé de ma vie. Il faut laisser les débuts de phrases des gens. Hein. Il faut laisser les micro allumé parce que c'est pas possible. Vous faites trop de bruit. Et puis sans lui, on parlerait toujours sans micro. On va continuer avec Théo Renard et on écoute tout de suite Raphaël. Attendez, j'ai pas dit un mot sur Arthur. Moi, je voudrais récompenser la participation active d'Arthur qui est là avant toutes les émissions. Ça, une fidélité sans faille. Donc voilà, vraiment, Arthur. Du matin au soir. Voilà. Ouais, je campe dans le studio. Non, il campe dans le studio, donc ça, vraiment, il faut le récompenser. Et on écoute tout de suite Raphaël pour le conseil de classe de Théo. Oui, bah Théo, c'est quelqu'un qui s'investit dans ce qu'il aime, et vu qu'il aime tout le sport et qu'il y a très peu d'émissions de sport, il est rarement investi. On l'entend toujours pour ses tapés flops, c'est bien. Tapés flops et le sport en fait. Hein. Oui, voilà, mais sinon, diversifier peut-être ses centres d'activité, mais sinon, une présence de temps en temps. Bon, un élève ponctuel, toujours là pour amener les tucs et là ici, on le note. Un peu rageux sur les bords, peut partir en sortant en insultant tout le monde. Voilà. Il a déjà insulté la voisine par la fenêtre en fait. Voilà. Non, c'était un message d'amour. Ah, c'est un message d'amour, pardon. Et Théo, pour moi, c'est un élève qui est toujours présent, mais qui est un peu discret. En effet, on se souvient d'émissions qui se résument par un flop, même pas de top. Hein. Sérieux, ça, c'est triste, c'est à déprime quoi. Pour les chroniques de sport qu'il faisait régulièrement, on a trouvé son remplaçant, c'est Quentin Brachet. Je crois que ça rehaussera un peu le niveau. Oh, désolé, j'ai une analyse bien plus pertinente que ce petit Quentin. Bon, non, on est d'accord, on continuera pas. Adrien, je voudrais, sur Théo. Parfait, on va passer direct. Non, mais je peux dire un mot quand même. Théo, laisse-le parler. Théo, c'est quand même, il faut le préciser, un des chroniqueurs qui est, alors un peu moins sur cette dernière saison, mais sur les deux premières saisons, qui a été très présent, qui est fidèle, qui l'a depuis le début. Donc je dirais que pour Théo, le point fort, c'est la fiabilité. Très bien. Et on passe directement à Raphaël. Raphaël, Théo va commencer. Raphaël, qui arrête de dire son point. Je vais y aller. Raphaël, les points positifs, des propos sourcés, une bonne connaissance sur le plan économique. Parfois, pour les défauts, la langue qui fourche. Je pense à abstinence au lieu d'abstention. voilà. Mais sinon, neutralité pas toujours au rendez-vous. Pour moi, c'est un élève présent, mais il ne fait pas son travail. C'est un réel cancre. Il vient à l'émission sans préparer. Il invente. Il invente les réponses. À l'avenant, et c'est généralement la personne qui passe les tucs ou l'eau, et ça il faut le noter, c'est important dans l'émission. C'est vrai, je suis d'accord avec mes collègues présents dans les débats. Cependant, pour moi, gros point faible, c'est sa voix. Sa voix, quand il commence à parler à un invité, je la trouve très dérangeante. Très bien, c'est un argument un peu bizarre. J'ai noté un autre point un peu négatif, c'est qu'il perturbe les autres en envoyant des SMS de type humoristique. Tout à fait d'accord. Adrien, mais pas que Samuel, lui. Adrien ou encore Théo. On va passer directement à Julien. Non, mais je peux dire un mot sur Raphaël. Très bien, Adrien. Allons-y. Une véritable analyse de l'actualité extrêmement sérieuse, toujours profonde, des exemples toujours de qualité, notamment du point de vue économique. Donc bravo Raphaël. Julien, c'est ton conseil de classe et on commence par Théo. Alors, participation assez intéressante, c'est vrai. Ce sont les classes. Avec un bon point de vue, je trouve. Cependant, il faut vraiment arrêter avec l'Ice-T. Non, mais tu le finis à chaque fois, l'Ice-T. Ce n'est pas normal. Ne sois pas aussi égoïste avec les autres. C'est vrai, toi, c'est vraiment énorme défaut. Et j'avoue. Raphaël, quel est ton point positif? Oui, il respecte pas le règlement, c'est-à-dire que pas de téléphone déjà, il passe sa vie sur son téléphone. Je vais mal placé pour dire ça. Et deuxièmement, souvent je le rappelle à l'ordre par mon téléphone, c'est pour ça. Deuxièmement, on a l'impression parfois qu'il est plus là pour les tutelaïstiques que pour le l'invité. Exactement, et c'est ce que j'avais noté en point positif, c'est qu'il est présent, mais c'est pour les tutelaïstiques. On peut noter notamment son ancienne... il était chroniqueur sport, spécialisé sport, oui. Et lorsqu'il nous annonçait un pronostic de non, Mario Martoli gagnant de Roland Garros, le seul problème c'est qu'elle ne participait pas. Ah oui, ça me rappelle quelque chose. On s'en souvient, un véritable chroniqueur sport. Et on passe tout de suite à moi-même, du coup je vous laisse la parole. Bien, il y a des trucs à dire. Alors je vais Adrien, un petit mot sur Julien. Rapide. Ah bah, d'un point de vue politique, il est extrêmement fort. D'ailleurs, ça m'a étonné qu'il trouve pas pour le député. Parce que j'avais entendu une députée. Donc pour moi, Alexis Corbière, il est pas encore changé de sexe. Et donc, oui, et c'est vrai, grand consommateur d'ice tea. On peut le préciser aussi. Ah, attendez, j'ai un petit mot sur Julien quand même. Oula. Oula. Donc tout d'abord, on passe tout de suite à Samuel. Sympathie avec les invités en permanence. Non, alors tout d'abord, la ponctualité. Et ensuite, le fait d'être machiste et de clasher les gens. La ponctualité, c'est ironique ou... Ah non, c'est pas ironique. Okay. Voilà. Et le machisme un peu excessif. Bon, on y repassera. Merci Mathilde. Merci. Samuel, sympathie avec les invités, toujours avec le présentateur aussi. Le petit bonjour, le petit comment ça va, on le note depuis des années. Le point négatif, de nombreuses analyses en carton. Du style, il faut réformer, on lui demande quoi, il dit je ne sais pas. Voilà. Viens aussi pour les tuques. Là ici, bon, comme la plupart d'entre nous, on va pas se cacher, il peut venir uniquement à une émission pour dire bonjour et son top et son flop. Voilà. Je précise que je me débrouille toujours pour dire une phrase, même si elle peut paraître futile. Samuel pratique mais beaucoup la demi-émission, c'est un concept. C'est vrai. Raphaël, on t'écoute pour moi-même. Oui, alors Samuel, parfois t'es présent au début et tu pars en plein milieu de l'émission. Donc c'est un peu dérangeant de temps en temps. En plus, ouais, tu parles de choses, mais tu connais pas toujours. Tes analyses en carton, on les a bien notées. Bientôt t'habiteras dedans, pardon. Tout le studio est gêné, même Paris. Non, alors, Théo, on t'écoute. C'est vrai qu'il est très sympathique, très souriant, mais je suis désolé, il participe. Donc, point fort. Par contre, il faut arrêter avec les blagues. Ce n'est pas fait pour toi, je suis vraiment désolé. Arrête, c'est tout. Et merci. Moi, pour finir ça, j'aurais juste un petit mot. Gentil, juste un petit mot à dire sur Samuel. Je pense qu'en fait, ce qui fait polémique, c'est surtout ses. La virilité, vous aurez remarqué. J'ai été gentil avec toi, Arthur. Oui, j'ai mis que des points. Bon, je dis un petit mot. Bah, Samuel, c'est quand même un dynamisme. Toujours le sourire, toujours la bonne humeur. Et ça compte quand vous. Non, mais c'est vrai que ça compte quand vous animez une émission. Que parfois, avec l'invité, c'est pas facile. Et quand vous avez quelqu'un de la bonne humeur, bah, c'est pas mal, c'est déjà pas mal. C'est très gentil. Et on passe cette fois-ci au boss. On a fait tout le monde, je crois. On passe au boss. Et tout le monde va dire, même Gilad, Mathilde et Arthur, commence. Qui veut commencer? Moi. Allez. Théo commence. Alors, Adrien, vous êtes évidemment le meilleur élève de cette classe. Vraiment, vous préparez beaucoup à l'avance, mais vraiment à l'avance, vous les préparez bien et je trouve ça super. Il n'y a plus mission l'année prochaine, il n'y a pas de place à garder où on peut éviter ta de... gueule. Vous allez pas, je suis désolé. Vous êtes vraiment... précisé, il y a une émission l'année prochaine. Vous êtes vraiment l'âme de cette classe, vous êtes le moteur, vous permettez à l'ensemble des élèves d'avancer intellectuellement et vous êtes vraiment génial. Toutes mes félicitations. Merci. Raphaël, pas de défaut. Oh, si on dit. Oh, si, il y en a quand même. Il est parfait, ce Adrien. il est toujours là pour travailler en avance. Sans lui, il n'y a pas d'émission. C'est lui qui prépare tout, toutes les questions. Il nous motive pour travailler. Genre, on n'est pas toujours des plus travailleurs. C'est lui qui se donne corps et âme pour chercher les invités. Bon, point un peu négatif qu'il pourra améliorer dans une future émission. Peut-être des moments plus fun, plus jeunes parfois, en n'hésitant pas à diversifier son registre. Génial. Les points positifs pour moi, je dirais, bah évidemment, le travail des introductions, parfois qui frise la perfection. Voilà, il est aussi garant du bon comportement de nous tous dans c'est le lycée. Je suis garant, je me suis engagé. Voilà, on est sous son autorité. Les points négatifs, parfois, une diction. Alors que Yves arrive dans le studio et on écoute. Une diction digne d'un sexagénaire accompli. Et puis quelques top et flops assez mythiques comme la fermeture du musée Tintin dans la Creuse, qui je pense vous a tous fait rigoler. Voilà, merci. Merci pour ces trois années de radio. Gilad. Travaille beaucoup ses émissions sur ça, je suis totalement d'accord. Il est pas déstabilisé, mais quand il a de grands invités devant lui, des députés, des anciens ministres. On va voir avec Guillaume Meurice, hein, c'est pas fini. Pour le moment, voilà. Et toujours prêt, toujours. Enfin, rien à redire en fait. Parfait. Mathilde. Ouais, c'est que même dans les pires situations où tout le monde sait plus quoi dire, personne n'a de questions, t'arrives à ressortir des questions de on ne sait pas où et à récupérer la situation qui semble calamiteuse. Mais le seul truc à redire, c'est quand tu nous annonces un débat, en fait, tu mets une question, tu nous annonces une question et finalement, quand tu nous la poses, et ben c'est pas la même chose. Ah, d'accord. C'est vrai. Pendant 3 ans, j'ai vu la galère. Vous auriez pu le dire plus tôt. Hein. Mais merci beaucoup pour moi 2 ans. Bah, surtout merci à vous. Arthur Boulon. Et pour finir, moi, je ne dirais que du bien de toi, sauf 2-3 petits points négatifs. Tu te délaisses un petit peu sur moi pour tout faire. Je tiens juste à dire. Allez, bon. J'avoue que je t'ai fait monter des trucs là aujourd'hui pour cette émission. C'est ça. Et beaucoup de choses, même tout au long de l'année. Hein, on verra. J'avoue ça. Que tu as porté mes affaires. Non, ça va se lâcher. Voilà. Mais non, sinon, je t'aime bien. Tu es un bon président, un bon patron. Et oh, voilà. N'exagérons rien. Et heureusement que je suis là l'année prochaine, sinon sans moi, tu n'es rien. Voilà. Bah, oui, bien sûr. Et enfin, je termine pour Adrien. En effet, Adrien, c'est un élève qui a une belle plume, notamment dans son écriture. Il rédige tout, vraiment tout. C'est un élève moteur, participatif. Il fait participer ses camarades. Il donne la parole à ses camarades. Étonnant hein, pour un élève. On peut noter également le choix des invités. Parfois, on a reçu un électricien EDF ou encore le mec des banques, comme on l'appelle. Alors qu'on attendait plus François Hollande. Mais bon, c'est pas fait. Hein. Peut-être que ce sera pour l'année prochaine. On sait jamais. On verra. Bah merci. Écoutez, bah voilà, c'était le conseil de classe. Si on doit donner une note à chacun, bon, je pense qu'on va que donner à Adrien qui va être un 20 sur 20. Voilà. Comme Samuel, au bac. Et bah merci Samuel, merci aux chroniqueurs qui avaient préparé donc cette petite surprise. Merci et à la public aussi qui nous suit voilà. Depuis plusieurs années. Et on le salue. On le connaît personnellement, mais. On les connaît tous personnellement, c'est le principal. Guillaume Meurice, notre invité, va nous rejoindre d'un instant à l'autre. Vous restez avec nous, on est encore en direct pendant une heure, chers auditeurs. On va débattre avec Guillaume Meurice de son parcours. Il est chroniqueur sur France Inter. Et puis on parlera de sa vision de l'actualité. Comment est-ce qu'il a perçu cette année, les événements qui l'ont le plus fait rire, qui l'ont le plus attristé. Voilà, on verra la vision d'humoriste sur toute cette année. Guillaume Meurice, c'est dans un instant sur F7 Radio. On revient tout de suite. What's left to do to fill it up? Bonjour à tous, si vous nous rejoignez sur Web7 Radio, nous sommes ensemble pour le 94e numéro de Apprendre ou à débattre. Dans une heure, nous allons achever 3 ans de radio et nous avons la chance de passer cette dernière heure en compagnie de Guillaume Meurice, humoriste et chroniqueur sur France Inter. Mais avant de le saluer, je vous propose de refaire un tour de table des chroniqueurs qui sont là ce soir et qui étaient là depuis une heure pour notre première partie de l'émission. Voilà pour les auditeurs qui nous rejoindraient maintenant. Bonsoir Mathilde. Bonsoir Adrien. Bonsoir Théo. Bonsoir Adrien. Bonsoir Raphaël. Bonsoir Adrien. Bonsoir Arthur à la réalisation. Bonsoir Adrien, bonsoir à tous. Bonsoir Gilad. Bonsoir Adrien. Bonsoir Samuel. Bonsoir Adrien. Et puis bonsoir Julien. Bonsoir. Et puis on aura quelqu'un d'autre qui passera tout à l'heure, mais je ne vous en dis pas plus, à l'antenne. Et merci à vous, à tous, en tout cas, chers chroniqueurs, d'être fidèles au poste jusqu'au bout. Et merci à vous, chers auditeurs. Hein, n'oubliez pas que vous êtes aussi les chroniqueurs de cette émission, même si nous ne sommes pas en direct ce soir. Vous pouvez nous laisser toutes vos réactions sur les réseaux sociaux et sur le chat de Web7 Radio. Nous nous ferons un plaisir de les relayer. Mais tout de suite, le moment tant attendu, nous allons à la rencontre de notre invité. Notre invité. Présentation. Bonjour Guillaume Meurice. Bonjour. Alors, tu es humoriste et chroniqueur radio. Tu obtiens d'abord un diplôme de gestion avant de t'intéresser au théâtre classique. Rien à voir. À 21 ans, tu entres au prestigieux cours Florent. En 2007, tu lances ton premier one-man show. Et à partir de 2009, tu réalises des caméras cachées diffusées sur Internet. Mais c'est surtout par la radio que tu te fais connaître. Depuis 2012, tu interviens sur France Inter, d'abord dans l'émission On va tous y passer, puis dans le 5-7, et depuis 2014, dans Si tu écoutes, j'annule tout, avec ta chronique Le Moment Meurice. Tout juste, tout voilà. Bon. Ah, bah, parfait. Merci. Alors pour ceux qui ne te connaîtraient pas, chose rare, le principe est le suivant. Tu réalises un reportage sur le terrain et tu le présentes de façon humoristique. Ouais. Tu parles de comique d'investigation. C'est le terme. C'est Charline, la présentatrice de l'émission, qui parle de comique d'investigation. D'accord, c'est pas toi qui as inventé. Moi, j'assume pas tellement le mot investigation, en fait. D'accord. Bah, quand comique, un peu. Bon, c'est, voilà, c'est, on va dire, c'est la prétention humoristique. Après, tout est subjectif. Mais l'investigation, c'est plus important que ça pour moi. Donc, D'accord. Bon, c'est respectable quoi, pour les journalistes d'investigation. Pour les vrais, quoi. Il y a des mecs qui font un an d'enquête, qui passent dans des émissions sérieuses comme Cache Investigation. Moi, moins, quand même. Bah, hein. Quand même je vais peu. Sur un marché et j'interroge des vieux. Alors, enfin, tu joues depuis 2014 ton deuxième one-man show, Que demande le peuple, où tu interprètes un communicant de Manuel Valls, ce qui est bien sûr pour toi l'occasion de porter un regard ironique sur notre société. Précisons également que tu as publié plusieurs livres, dont récemment On n'est pas sérieux quand on a 2017 ans, avec le dessinateur Large aux éditions 1 Point C'est Tout, dessinateur qui vient de réaliser le film Satire dans la campagne, dans laquelle tu interviens. Alors, ma première question, comment on passe d'un diplôme de gestion à du théâtre classique? Parce que c'est pas le chemin le plus direct, quand même. Le diplôme de gestion, c'est surtout que je savais pas quoi foutre après le bac. D'accord. Et j'ai suivi un pote, moi j'ai passé mon enfance à la campagne en Haute-Saône. Si vous savez où c'est la Haute-Saône, test. Voilà. Non, c'est vraiment perdu, mais la campagne en Franche-Comté, donc plutôt du côté de l'est de la Suisse, si on va aller vite. D'accord. Et je savais pas du tout quoi foutre après le bac. Et un pote m'a dit bon, moi je fais ça, gestion des entreprises, administration, GEA, ça s'appelle. Et j'ai fait ouais, bah allez. On y va. L'opportunité d'aller faire des études à Besançon, donc qui était la ville du coin, avec un petit appart, des soirées étudiantes, me plaisait bien. Et après, il a quand même été question de faire quelque chose qui me plaisait de ma vie. Donc, une fois que j'ai écumé tous les bars de Besançon et toutes les fêtes, ma mère notamment me disait depuis que je suis gamin, tu devrais faire du théâtre. Mais moi, ce qui m'emmerdait dans le théâtre, c'est que quand t'apprends à l'école le théâtre, t'as des livres avec des costumes d'époque. Tu vois, t'as Gérard Philippe qui fait l'Organisation. Ça te donne envie de crever, en fait. Ça te donne pas du tout envie de monter sur scène. Et puis, je me suis dit, bon, allez, je vais quand même tenter le coup. Ma frangine habitait à Paris à l'époque, à Bois-Colombes. Je me suis dit, bon, elle peut m'héberger au début. Si ça foire, je ferai autre chose. Et puis je me suis... Alors tu t'as dit prestigieux cours Florent, c'est vrai que le nom on l'entend beaucoup, mais en fait c'est un cours privé. Ouais, donc c'est pas si sélectif que ça. Si t'as un chéquier, en fait, ça fonctionne, tu peux rentrer. Bah, okay, non, comme ça je dirais à mes amis au cours Florent que... Voilà. Tu peux leur dire que s'ils se la pètent, c'est des gros tocards qui vont finir leur faire serveur dans un bar comme tout le monde. C'est vrai qu'on m'a, un comédien m'a raconté que la plupart des serveurs dans les bars à Paris sont des comédiens. Ou des étudiants en sociologie. Oui, c'est vrai. Ça marche aussi. Voilà quand je me suis retrouvé là, pas vraiment par hasard, mais j'ai tenté le coup et voilà. Il n'y a pas du tout de lien pour répondre vraiment à ta question. D'accord. Mathilde. Vous avez fait du théâtre, des one-man shows, un livre, la radio, mais quel moyen de communication vous préférez en fait? Je pense la scène parce que c'est le moyen d'expression le plus libre. C'est-à-dire que j'ai une heure et demie en face à face devant une salle et je dis ce que je veux, je peux improviser. Le cadre est plus souple que tous les autres supports. C'est-à-dire que la radio, j'ai 4 minutes 30 de chronique. Si je commence à faire 6 minutes, ils vont me dire, t'es bien gentil. Donc c'est plus, voilà, le cadre d'expression est plus restreint dans les autres médias. La scène, c'est vraiment le dernier espace de liberté totale, je pense. D'ailleurs, tu fais intervenir le public souvent pendant En fait, j'ai un peu de mal avec l'idée de fermer vos gueules et écoutez-moi pendant une heure et demie. Et donc j'aime bien que ça soit ouais, qu'il y ait un échange, qu'il y ait un partage. Donc ouais, je sollicite pas mal les gens. Alors je les fais pas monter sur scène parce qu'on n'est pas au Club Med, mais non, j'aime bien poser des questions aux gens qui me répondent, puis improviser un peu à partir de ça. Ouais, j'aime bien. C'est plus dur de faire de l'humour sur scène ou à la radio? Bah moi, j'ai jamais trop considéré que faire de l'humour c'était difficile en fait. Parce qu'on, non mais parce qu'on en fait tous, quoi. Non mais on s'envoie tous des vannes, enfin je sais pas, voilà, au lycée. Donc après. Quand tu décides d'en faire un espèce de métier, on appelle ça un métier. Moi, je considère que c'est même pas un métier, hein, mais bon. Mais quand tu décides de, bon, de gagner ta vie avec ça, d'essayer en tout cas de gagner ta vie avec ça, faut un peu structurer ça, quoi. Donc cet esprit que tu peux avoir, je sais pas, en cours, en répondant à ton prof ou à tes potes, bah, faut le mettre au service d'un, bah, d'un texte et puis d'une espèce de ligne directrice, d'un angle, quoi, on va dire. Qui, voilà, qui, okay. Du coup, ça sculpte un peu ce que tu fais tous les jours. C'est pour ça que je considère pas que c'est difficile. Est-ce que quand tu fais tes chroniques, t'essaies de faire passer un message avec ou pas? Parce que France Inter, c'est pas forcément une radio très neutre. Du coup, est-ce que tu fais ça librement ou est-ce que tu es quand même très engagé. Enfin, est-ce que c'est ça librement, ouais. J'ai pas. Alors, quand tu dis je veux faire passer un message, en fait, je dis ce que je pense. Voilà, je veux faire passer ce que je pense. Après, tout est évidemment discutable et on a le droit de pas être d'accord avec moi. Heureusement, d'ailleurs, j'aime bien les gens qui sont pas d'accord avec moi parce que ça permet justement de débattre et puis que chacun fasse évoluer son point de vue. Mais j'ai la liberté totale. Personne relit mes papiers avant la diffusion, l'émission est en direct. Donc ça, pour l'instant, en plus, moi, c'est vraiment ma garantie pour participer à une émission. Oui, d'ailleurs, une fois, on t'a empêché diffuser un dessin de char, mais ouais, t'as dit j'arrête. Après les attentats, et je faisais une revue de presse en images dans la nouvelle édition sur Canal, et ils m'ont refusé. Ouais, le dernier dessin, c'était une caricature de charme de Mahomet. Et ils m'ont dit, ouais, tu comprends, pour des raisons de sécurité, c'est compliqué, alors que ça faisait une semaine qu'ils étaient tous Charlie et qu'ils venaient tous de découvrir ce que c'était la liberté d'expression. Donc j'ai dit, bah non, désolé, ouais, ça sera sans moi. Justement, puisqu'on parle de Charlie Hebdo, tu as fait une chronique, notamment le soir même des attentats de Charlie Hebdo. Est-ce que ça veut dire que pour toi, on peut rire de tout? Ouais, on peut rire, comme disaient des proches. Lui, il disait pas avec n'importe qui. Non, moi, je pense qu'on peut rire de tout. En fait, ça dépend pourquoi tu ris. Est-ce que tu ris pour... Enfin, tout est une question d'intention, en fait, j'ai envie de dire. Si tu ris pour exclure quelqu'un, te foutre de sa gueule gratuitement pour ce qu'il est, c'est-à-dire ce que peut être une blague raciste, par exemple, ça devient problématique. Encore que, si c'est une blague raciste dite par un mec que tu peux pas soupçonner d'être raciste, par exemple, j'ai un très bon exemple, Pierre-Emmanuel Barré, qui est un très bon pote à moi, passe son temps à faire des blagues misogynes dans ses chroniques. Mais on sait que on sait que justement, c'est la transgression qui fait que c'est marrant, donc on peut pas le soupçonner d'être Éric Zemmour. Donc, c'est comme en droit, il faut juger, je pense, l'intention. Plutôt que la simple parole, quoi. On parlait de... Je sais pas si vous avez une question. Ah oui, Raphaël. Moi, j'avais une question sur les chroniques humoristiques en politique. Par exemple, François Fillon a pas mal attaqué Charline Van Hacker. Je voulais savoir si vous en pensiez un peu, si ça avait sa place, finalement, si c'était normal dans le jeu politique, l'humour, ou si c'était en trop. Je vois pas de raison pour laquelle ou pour lesquelles ça n'aurait pas sa place. Fillon, après, c'était un petit jeu. Bon, après, c'est des batailles de communication. On lui a dit... il serait de bon ton que tu rentres pas dans ce petit jeu de sarcasme, etc., et que tu le dénonces. Enfin, c'est très ciblé, c'est très destiné à un électorat, donc c'est pas... Quand il fait ça, il le fait pas, c'est pas de l'impro, quoi, c'est préparé. Après, c'est une vraie bonne question, je trouve, parce que c'est vrai que des humoristes, il y en a partout, tout le temps. Après, rien n'empêche de tourner le bouton. Enfin, les gens qui critiquent, je leur dis, bah, écoutez pas, en fait, c'est tout simple. La chronique de Charline, en l'occurrence, dans l'émission, elle était à la fin. Oui. Les gens que ça intéressait pas, ils avaient juste à se barrer. Il se passait rien après, donc ils avaient juste à couper le poste et se barrer, quoi. Donc ça te gêne tant pas. Tant qu'il y a un public, par exemple, toutes les critiques qu'il y a eu pendant la campagne sur les médias, ça te dérange pas? Tu penses que ça a sa place, qu'on peut en débattre et que... C'est bien qu'il y ait une critique sur les médias, quoi. Se remettre en question, quoi. Mais évidemment, ouais. Et puis, il y avait surtout les critiques qui n'étaient pas dénuées de fondement, donc c'est très bien. Après, moi, je le vois, si je prends juste mon exemple, avec mes chroniques, dès que je fais une chronique sur un camp ou un parti, alors ce camp-là me dit « Ouais, t'aurais jamais osé faire ça avec un tel ou un tel. » Il paraît que t'as eu des problèmes avec les électeurs de Asselineau. Ça, c'est là. Dès que tu parles d'eux, t'as des mails. Tu veux vraiment qu'on parle d'eux? Tu vas recevoir. Ils sont très actifs sur Internet, ouais. Ils sont très très peu nombreux, on l'a vu au présidentiel. Mais ils arrivent d'un coup. Mais putain, ils ont des connexions Internet de bâtard. Et du coup, ils arrivent d'un coup. Alors, je les soupçonne d'avoir chacun plusieurs comptes et plusieurs pseudos et d'attaquer en meute, ouais. c'est vrai. Mais pourquoi pas, hein, moi ça me fait plutôt marrer quoi. C'est bien que ça réagisse, je fais des chroniques aussi pour faire réagir les gens. Je peux pas me plaindre quand ça réagit contre moi, tant mieux. Quelle la réaction. Alors, dans une interview pour l'Obs, tu as recommandé la lecture du discours de la servitude volontaire de la Boétie. Pourquoi ce choix? Parce que ce qui plombe pas mal la société en général, les citoyens en particulier, c'est ce sentiment qu'on peut rien faire, quoi. Qu'il y a un système, c'est un mot qu'on a beaucoup entendu dans la campagne, qu'il y a un système qui nous écrase et que nous, bah, on est juste des petits maillons de ce truc et que quoi qu'on fasse, il se passera rien. Et ce livre-là, qui est très court d'ailleurs, qui a été écrit par un mec, je crois qu'il avait 20 ans, enfin, il était très jeune quand il a écrit. Je ne vais pas m'avancer sur les âges parce que je vais me faire taper sur les doigts par les profs. Ouais, tu dis des conneries. Donc, il montre que juste, il y a une phrase que j'aime beaucoup, c'est « Ils ne sont grands que parce que nous sommes à genoux ». Il montre juste que des fois, il faut juste savoir dire non et refuser d'être soumis pour débloquer des situations. Ça dépend de nous et non des gouvernants. Il ne faut pas attendre quelque chose de la politique, quoi. Il faut se mobiliser chacun à notre niveau et faire avancer ce qu'il y a autour de nous, son quotidien et puis soi-même. Surtout. Mais justement, est-ce que tu pourrais te lancer en politique un jour? De la politique politicienne, tu veux dire, dans un parti, ce genre de truc? Je sais pas, se présenter à une élection ou... À Coluche. Ouais. Ou à la François Ruffin aussi. Ouais, j'aime beaucoup Ruffin, j'aime bien ce qu'il a fait, ouais. Tu pourrais faire pareil? Pour l'instant, c'est inenvisageable pour moi, mais bon, je sais qu'il faut jamais dire jamais. Il faut jamais dire jamais, surtout en politique. Donc, non, pour l'instant, je te dirais non, je suis bien à ma place. D'ailleurs, j'ai l'impression de faire de la politique à ma manière. Ouais, d'une certaine manière, en fait. Donc, mais oui, ça influe beaucoup. Je sais pas si j'ai de l'influence, mais en tout cas, merci pour les verres d'eau. Mais en tout cas. Si, je pense que c'est un peu. Mais j'ai l'impression que la politique, ça se fait plus là, ça se fait plus par des gens qui s'engagent dans des assos. Je crois qu'un mec qui est bénévole au Resto du Cœur, il fait plus de politique que François Fillon, en vrai. C'est possible. Comment, alors, parce que je pose cette question justement parce qu'on parle politique et parce que c'est une question que tu avais posée à des personnes lors d'un reportage, comment on change le monde? C'est une bonne question. Bah, ça rejoint ce que j'ai dit avant. Je pense qu'il faut changer son monde. Bon, c'est ça, avant la phrase d'aujourd'hui, quoi. Soit le changement que tu veux pour le monde. Avant de changer ouais, celui je des pense autres, que ouais. L'exemple, c'est un bon moteur. C'est-à-dire que moi, j'accorde beaucoup d'importance à la cohérence qu'il y a entre ce que les gens font et ce que les gens disent. Alors forcément, tu peux jamais être tout à fait cohérent, mais les tartuffes, quoi, les mecs comme Fillon, par exemple, parce qu'on, si on reprend cet exemple, qui va te dire il faut être tout à fait moral et bien se comporter dans la vie et qui part derrière des tournes du pognon, c'est pas possible, c'est éliminatoire. Je vois qu'il y a Guillette qui réagit. Ah, il y a des électeurs de François Fillon. Je crois qu'il y en a dans la salle. C'est encore pire. Ah, c'est un plaisir. On s'est peut-être croisé alors. Il enrage devant France Inter. Non, mais au contraire, je pense que c'est bien d'avoir des personnes qui critiquent les candidats. Je veux dire, au présidentiel, tout le monde en a pris plein. La gueule, hein, que ce soit Fillon ou d'autres, donc voilà. Je pense pas que c'est fait en fait. Tant que c'est pas fait dans un intérêt partisan pour dire je critique quelqu'un pour voter pour l'autre, c'est pas dérangeant. Ouais. Quand ça part dans le truc, je critique un tel pour voter contre, enfin pour faire voter pour quelqu'un d'autre, ça devient plus gênant. Non, mais surtout tant que c'est vrai, tant que la critique est vraie, je trouve ça pas gênant, quoi. Ah non, mais bien sûr, hein. La critique est bonne, hein. Ouais, c'est ça, ouais. Pardon, moi j'hésite pas non plus à me foutre de la gueule, même si c'est plus ma famille politique, des gens de gauche comme Mélenchon qui disent on veut une nouvelle politique, gouverner autrement, et qui se retrouvent en fait dans un schéma très horizontal avec un chef et puis des gens qui suivent, je trouve ça pas normal non plus, donc ouais. Non, mais tant que la critique est vraie et argumentée, je trouve qu'elle est... Après, je pense que les hommes politiques le voient d'une autre façon. Enfin, moi par exemple, en tant que militant, je le prends pas pour... Enfin, quand quelqu'un critique un candidat que j'ai soutenu, je le prends pas forcément contre moi. Ce qui n'est pas le cas de tous les militants. Hein. Malheureusement, oui. Mais je pense que les candidats le prennent très à cœur. Ils disent, on s'attaque à eux, on les insulte, machin. Alors que pas forcément. Ouais. Je pense que les personnes qui militent, personnes normales qui militent, ont une autre vision. Ceux qui sont fous derrière un candidat, c'est quelque chose d'autre. Mais les candidats le prennent d'une autre façon. Et donc voilà, surtout en période présidentielle, comme on a vécu là, les candidats, à la moindre attaque, ils se disent, ah, mince, ça va me faire perdre des voix. Ouais, c'est très tendu. Ouais. Justement, on va en parler de ces élections présidentielles, de cette, comment Guillaume Meurice a vu toute cette année, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à faire pour les humoristes pendant cette année. C'était un grand terrain de jeu. Hein. D'ailleurs, les humoristes, ça a aidé un peu Fillon, parce que l'épisode où Fillon a un peu, pas clashé, mais disons, il l'a peu critiqué, il a remonté à partir de là, on a commencé à parler un peu de lui. C'était une vraie tactique politique, pas idiote en fait, de sa part. On va en parler tout de suite, juste après notre première pause musicale. Première pause musicale de la soirée. Moi, je propose un retour dans les années 80. Ça, c'est étonnant. Pour cette dernière émission. Exactement, pour cette dernière. Jusque vous. Thierry Hazard, le jerk. C'est tout de suite sur cette radio. Et on se retrouve tout de suite après pour la suite d'Apprendre à débattre. venez chez moi, je vous jouerai du trombone. Et par un bon matin d'hiver, Joséphine et Roger se marièrent. Ils furent des quadruplés qu'ils prénommaient Gustave, Alphonse, Arthur et Philibert. Et leur apprirent le et leur apprirent le et leur apprirent le tchè tchè tchè tchè tchè tchè tchè tchè. Et leur apprirent le tchè sur de la musique basse, sur de la musique basse. Et tous ensemble, on revient le soir. Ils prennent le bus de 18 à 17 pour aller danser le tchè. On se retrouve pour la suite du 94e numéro de Apprendre ou à débattre. Nous recevons ce soir l'humoriste Guillaume Meurice. Et justement, l'année a été particulièrement riche pour les humoristes, de l'élection de Donald Trump à la campagne présidentielle française, en passant par les législatives qui ont chamboulé le paysage politique français. Les sujets n'ont pas manqué pour les humoristes. Alors quel regard porte Guillaume Meurice sur cette année bien remplie? L'année vue par Guillaume Meurice, c'est notre grand débat pour conclure la saison. Le grand débat, l'heure de vérité. Le CETA, l'ubérisation, les sondages, le vote blanc, Jean Lassalle, la rentrée des classes à l'Assemblée nationale, l'état d'urgence, l'Expo RG. Voici quelques-uns des sujets des chroniques de Guillaume Meurice tout au long de cette année. Il faut dire qu'il ne manquait pas d'actualité à commenter. Tout le monde a eu le droit à son moment Meurice, des électeurs de l'UPR, au soutien de Myriam El Khomri, en passant par les fans de En Marche et les auditeurs de Radio Courtoisie. Mais alors qu'a pensé Guillaume Meurice de cette année mouvementée? Quels ont été pour lui les meilleurs moments à chroniquer? L'année vue par Guillaume Meurice, c'est notre grand débat. Pour commencer, Guillaume Meurice, est-ce qu'on peut dire que tu ne t'es pas ennuyé durant cette année? On peut complètement le dire, ouais. J'ai pas beaucoup dormi, mais je me suis bien amusé. C'est sûr. Tu risques un peu de t'ennuyer peut-être l'année prochaine, du coup. Ouais, c'est la crainte, mais je crois que c'est bien parti avec Macron, là. C'est vrai, oui, c'est vrai. On fait des prolongations sur. Non, ça va, j'ai plus trop de doutes. Oui, Raphaël. Qu'est-ce qui vous a le plus inspiré cette année? Bah, c'est vrai qu'en tant qu'humoriste, l'affaire Fillon, ouais, c'était quand même du pain béni, quoi. C'était un cadeau, parce que c'était quoi. Un feuilleton, quoi. Tous les jours, il se passait un truc et personne n'était au courant de rien jusqu'à la dernière minute. Moi, j'ai souvenir d'être au salon de l'agriculture au moment où tout le monde attend Fillon. Fillon, et finalement, il vient pas. Et finalement, il vient pas, mais il a prévenu personne qui venait pas. C'est-à-dire même son attaché de presse. Enfin, nous, on a les dépêches AFP et on voit Fillon vient pas. Et donc, on dit à son attaché de presse, il viendra pas, en fait. Et même son attaché de presse, t'es pas au courant. Il fait quoi? C'est-à-dire, c'est même pas lui qui a envoyé la dépêche AFP. Enfin, c'était surréaliste, quoi. Donc, ouais, c'est sûrement le fait le plus marquant de la campagne, ouais, c'est ça. Ouais. Surtout que c'était censé être une élection gagnée d'avance pour eux. Ouais, en plus. Ouais. Et du coup, pourquoi elle était particulièrement exceptionnelle, cette élection, pour les humoristes? C'est les affaires? Ouais, les affaires, et puis ben, pas mal de nouveaux visages, quoi. Macron, ouais, c'est vrai. Finalement, on le connaissait pas beaucoup, il s'est un peu révélé. Puis il y a le projet qui nous ouais, ça a été une belle occasion de... Je pense qu'on lui en parlera pendant longtemps encore. Ouais, t'as des mecs comme Jean Lassalle qui débarquent. Ah, ça, moi j'avais déjà croisé, donc je savais un peu à quoi m'attendre. Ah, d'accord. J'avais déjà discuté un peu avec lui à l'Assemblée. Mais le fait qu'il ait son signature, c'est une aubaine. T'as parlé d'Assolino, c'est pareil, c'est des gens qu'on connaissait pas bien. Donc, tout le ce que Mélenchon a appelé le dégagisme, mais tous les Sarkozy qui tombent les uns après les autres, les favoris sont tombés les uns après les autres. Valls qui se prend une grosse tôle à la primaire. Enfin, ouais. Il y a beaucoup d'inattendus, quoi. C'est pour ça que c'était. Alors que je me rappelle, la présidente des jeunes avec Valls nous avait dit, mais c'est sûr, vous savez, il va gagner, c'est sûr. Oui, Margot. Ouais. Ah ouais, elle est à fond, Margot. Ouais. Ben elle était dans Quotidien il n'y a pas longtemps. Oui, je l'ai vu dans la. Oui, où elle devait avoir. Il devait y avoir une fête et il n'y a pas eu de fête. C'est ça, il n'y a pas eu de fête, elle était là par hasard. Je crois que Margot, elle ne sait toujours pas que Valls il a perdu. Dans sa tête, je pense. Non, peut-être pas encore, malheureusement. Non, elle va se rattraper quand même. Non, mais ça va, il est encore là, donc elle a encore des choses à faire. Elle a du vol, hein. Putain, il s'en sort bien. Ouais. De justesse. Ouais. Est-ce que tu as beaucoup fait rire tout au long de cette année, mais est-ce qu'il n'y a pas eu des moments où, au fond, toi, tu as été déçu, un peu triste de la tournure qu'ont pris les événements? En tant que citoyen, si, t'es toujours triste. Ouais, c'est ça, en tant que citoyen. En fait, la démocratie représentative se pète la gueule, quoi. D'ailleurs, on le voit, le vainqueur des élections, c'est l'abstention. C'est l'abstention, ouais. Les gens, puis moi, je le vois sur les marchés, ou en discutant dans la rue avec les gens, ou en les interrogeant. Il y en a plein qui n'ont plus rien à secouer. C'est dommage, quoi, ouais. Ouais, bah là, donc surtout législativement. C'est ça qui me déçoit, et c'est, moi, je pense que c'est beaucoup lié, justement, à ce cirque-là, quoi, à l'élection présidentielle, qui est une espèce de casting plus qu'un débat d'idées. Ouais, c'est la présidentielle qu'il faut changer, quoi. Ouais, c'est sûr. C'est pour ça que moi, j'étais pour une 6ème République. Avec vraiment une vraie, un vrai régime parlementaire, avec des vrais débats à l'Assemblée, des vrais débats d'idées, quoi. Ouais. Et plus des questions c'est ce qu'il a manqué. Quoi. Et est-ce que tu as l'impression d'essayer de convaincre les jeunes, par exemple, à aller voter en faisant de l'humour, en les amenant par une autre manière à la politique, ou est-ce que tu as l'impression que tu touches pas assez de jeunes avec tes chroniques? J'ai été surpris d'avoir autant de ce que je vois, les gens qui viennent me voir en spectacle après. À Paris, il y a beaucoup de jeunes, par exemple. Et pourtant, l'auditorat de France Inter, c'est pas tellement les jeunes. Et en fait, je crois que c'est beaucoup les réseaux sociaux. Et moi j'aime bien je suis assez souvent sur Brut, Twitter, par exemple, aussi sur Brut, j'ai fait un peu Brut avec Pierre-Emmanuel, et je crois que c'est beaucoup les réseaux sociaux qui m'ont apporté ce public là. Alors après, est-ce que j'ai de l'influence? Moi je crois pas beaucoup à l'influence que je peux avoir ou qu'on peut avoir individuellement. Mais sur des gens, je crois pas que je sois un leader d'opinion. Est-ce que t'as une chaîne? Parce que je me souviens d'une vidéo que t'avais fait avec Pierre-Emmanuel Barré. Ça c'était sur Brut, c'était voilà. C'était un petit média. C'était la soirée présidentielle, non? C'était sur le débat. On avait commenté le débat en buvant des bières. Ouais. Mais je pense pas quoi. Je pense pas inciter les gens à faire quoi que ce soit. Mais voilà, comme je disais tout à l'heure, je donne mon avis et j'essaie de le donner d'une manière un peu marrante. Et puis après, y a des débats des fois sous mes vidéos Facebook. Oui. Tu vois, des fois, t'as 400 commentaires de gens qui se foutent sur la gueule. Ça, j'interviens pas, je laisse les gens. Se taper les uns entre les autres. Ouais, ça m'amuse même de lire parfois. Ah, oui. Guilal. Est-ce que vous êtes déjà bloqué, par exemple, dans un sketch, à vous dire non, je vais pas le faire, au risque que ça plaise pas à quelqu'un ou qu'il y ait des retombées derrière? Est-ce que vous avez eu peur, par exemple, de ça ou... Non, c'est même plutôt l'inverse. Tout ce qui peut être retombé derrière ou le fait que ça plaise pas m'amuse plus. Mais j'étais déjà un peu comme ça à l'école, je faisais chier les profs et je m'étais bien énervé. Je suis assez taquin en fait. Ouais, mais non, j'ai jamais refusé de faire un truc pour peur des conséquences, ça peut avoir. Est-ce que tu t'es fait jeter, expulser de certains événements, certaines réunions pendant l'année là? Radio Courtoisie m'ont pas laissé rentrer. Oui, c'est vrai. Il y a un truc de trader. Ils t'ont vu, je t'en... Un truc de trader, c'était un espèce de concours de trader. Et d'ailleurs, c'est marrant, c'était au même endroit que Radio Courtoisie. Ça n'est pas hasard. Il y a une photo de moi à l'entrée. Mais quand c'est comme ça, Radio Courtoisie, je suis allé devant. Et les traders, je suis resté devant. En plus, comme c'est interdit de fumer maintenant à l'intérieur des trucs, ils vont tous faire leur post-club. Et donc, ils seront disponibles en plus pour discuter. Et il y a le syndicat du nucléaire aussi qui veut plus. Alors, ça, c'était assez marrant parce qu'ils m'ont pas filé d'acred. Donc, je leur ai dit, je viendrai quand même, je me mets devant. Et la nana qui gérait le... C'était une conférence, je crois. M'aimait bien et elle avait une fille qui aimait beaucoup mes chroniques, donc elle a fini par me faire signer un autographe pour sa fille. Je dis, tu fous de ma gueule, tu me laisses pas rentrer. Mais bon, c'était un peu marrant. Puis pareil, les gens ils viennent fumer leur clope dehors, je les interroge. Enfin, c'est même un peu con pour eux parce que ça me donne un petit côté sulfureux. Genre, oh là là, je suis Élise Lucet quoi. Alors que je suis juste un mec qui vient faire des blagues, donc je m'en sers en fait quand on me laisse pas rentrer. C'est ça, finalement ça se retourne contre les autres. Quel est le reportage que tu as le plus aimé pendant cette année? Tu as plus pris de plaisir à faire le manif du Trocadéro. Ouais. Parce que c'était Disneyland quoi. J'aurais pu, je pense qu'en 5 minutes elle était bouclée, je suis resté parce que j'avais des potes là-bas, journalistes et tout. Oui, mais c'était d'une violence incroyable. Après moi c'est un peu ma zone de confort, hein, les gens qui gueulent. Et... Là je sortais le micro avec marqué France Inter et ils devenaient fous les gens. Le le rapport physique me dérange pas quoi. Parce que les gens qui ont des grandes gueules comme mais il suffit de répondre calmement. Et normalement ça... Et on t'aborde beaucoup dans la rue parfois pour te dire, je sais pas, pour te soutenir ou pour te critiquer ou des gens qui t'abordent un peu sur tes chroniques et qui te donnent un avis ou pas? Ouais un peu, mais c'est souvent des gens sympas qui me disent qu'ils aiment bien. Bah tant mieux. Ouais. C'est-à-dire que les autres viennent pas te voir quoi. Je pense, ils préfèrent m'insulter par mail. Encore que j'en sois pas énormément... Et est-ce que vous avez des cibles plus faciles? Je pense notamment à François Hollande qui a été un peu lynché. Est-ce qu'il y a des cibles privilégiées des humoristes? De moquerie? Oui. Là, il y a Manuel Valls, quoi. Tu adores Manuel Valls pour. C'est vraiment symptomatique de même quasiment de l'époque, quoi. C'est vraiment un gars qui s'accroche à un vieux monde, quoi. T'as envie de dire, mais c'est fini, mec. T'as laissé passer ta chance, c'est terminé. C'est un gars qui a fait 5% à la première primaire du PS. Donc, déjà d'entrée de jeu, les gens lui ont dit, on t'aime pas, en fait. On t'aime pas, ça va pas, on t'aime pas. Voilà, je suis désolé. Après, il a eu du bol par magouille et tactique politique de se faire nommer Premier ministre. Les gens l'aimaient pas. Et après, il se représente au premier tour de la primaire, on lui dit non. Non, non, non, non, non, ça va pas le faire. Et après, il essaye de dire sur RTL, je crois, à Macron, non, non, mais c'est bon, je me présente sous l'étiquette Macron. Et Macron lui dit non, non. C'est le mec qui s'accroche à un truc. Donc, c'est vraiment de la pure vanité, quoi. Donc, ça, c'est assez. C'est comme une fable de La Fontaine, en fait, si tu veux. C'est assez marrant. J'avais fait toute une chronique, moi, à la recherche de sa dignité. J'avais été dans sa ville à Évry et je demandais aux gens, est-ce que vous avez vu la dignité de Valls? Parce qu'on la trouve plus. Mais là on parle plus au niveau national, mais par exemple, au niveau international, avec l'élection de Trump, est-ce que, par exemple, c'était aussi... Enfin, pour moi, le mec est une blague en lui-même, en soi. Mmh. Est-ce que c'était plus difficile d'aborder ces sujets ou au niveau... Parce que ça se passe aux États-Unis ou... C'est un peu plus loin, donc les gens sont moins... Ouais, ça fait moins rire. Il y a moins de proximité, c'est sûr. Mais non, c'était pas plus... J'en ai fait deux ou trois sur Trump. Il y a d'ailleurs un groupe qui s'appelle Les Français avec Trump. Ah ouais. Que j'avais appelé et qui m'en avait pas mal voulu derrière. J'aurais dit, bah, faudrait savoir, vous soutenez un mec qui est dans la provoque à ce moment-là, moi aussi. Hein. Et j'avais fait une chronique le soir de son élection, ouais. Mais Trump, c'est pareil, c'est assez intéressant ce qui se passe parce que pour nous, les Français, les États-Unis, c'est New York et la Californie. Alors que c'est pas du tout les États-Unis, en fait. Les États-Unis, c'est le vieux Sud. Mais comme en France, on a l'impression que la France, c'est Paris. Alors que même si je fais un micro-trottoir à Paris, je trouve des gens qui racontent des trucs racistes et homophobes rapidement. Vous êtes tous retournés vers moi. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit raciste et homophobe, ils sont tous retournés vers moi. C'est vrai que c'est chaud. Ça doit être lié aux choix électoraux de notre régisseur. Non, mais c'est-à-dire qu'on se rend pas compte qu'il y a des. On peut pas être surpris qu'il y ait 11 millions de Français qui votent Front National, par exemple. Parce que moi, je les vois tous les jours dans la rue. Seulement, c'est sûr qu'ils sont pas dans les médias, on montre autre chose. Et on fait croire que la société est autre qu'elle n'est, donc. Est-ce que c'est embêtant qu'il y ait que des humoristes, beaucoup d'humoristes du même bord? Est-ce que c'est pas aussi pour ça que parfois il y a ce rejet de gauche, tu veux dire? c'est compliqué. Non, mais c'est une bonne question aussi. Soit c'est de gauche, ou alors ou alors ça peut être de droite. Mais c'est déjà c'est plus rare. Mm. Et alors jamais, par contre, à l'extrême droite, un peu à l'extrême gauche. Est-ce qu'il y a un problème là-dessus? Bah c'est vrai, quand t'es humoriste, t'as toujours tendance à défendre les plus faibles contre les plus forts, quoi. Donc ce qui donne une connotation assez de gauche aux angles que tu choisis, quoi. C'est sûr. Mais c'est une vraie bonne question, des humoristes de droite. Ça serait quoi un humoriste de droite, quoi? Est-ce que c'est un mec qui va voir un clochard et qui lui dit « Ah, t'es dans la merde !» Est-ce que c'est marrant, tu vois? Je sais pas. Mais il y a une vraie problématique sociologique derrière cette question. Mais j'ai pas les compétences. Est-ce qu'il y a une personnalité politique durant la campagne présidentielle ou législative que vous a marqué tout à l'heure, Adrien, par exemple, de Jean Lassalle, ou Asselineau, enfin des personnages marquants? Est-ce qu'il y en a un qui vous a marqué pour quelque chose? Bah non, mais Ruffin, pour son parcours, que je trouve assez intègre, original, quoi, pour l'instant, ouais. Bah, c'est un mec sincère qui croit, enfin pour l'instant, je m'engage à le défendre, puis ça se trouve, on va découvrir une vieille casserole demain, allez on Maurice. Mais je le crois sincère dans sa démarche, et il y a même une espèce de sacrifice de sa vie perso, parce qu'il a... Il avait quand même pas mal d'activités avant, qu'il a laissé tomber pour se lancer là-dedans. Pas mal de respect pour lui, ouais. J'aimais bien avant une nana qui s'appelle Isabelle Attard, mais qui s'est fait jeter aux législatives, qui était pareil, une nana qui passait par Nouvelle Donne, et puis qui était finalement sans étiquette. J'ai entendu parler, ouais. Ouais, et bon, voilà, ouvrir sa gueule pour défendre... ce que devrait être chaque député. Chaque député, ouais. Mais comme il y en a 15 sur 577, t'as l'impression que c'est exceptionnel. C'est mais ouais. Non, après, Jean Lassalle, tout ça, c'était plutôt... C'était marrant, quoi, mais c'est tout, ça va pas plus loin. Y a le personnage d'Emmanuel Macron aussi, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Là, on a l'impression qu'il verrouille un petit peu toute sa communication. Alors, est-ce que ça te complique ton travail d'humoriste ou est-ce qu'au contraire, ça le facilite? C'est le challenge, pour reprendre les termes de Macron. C'est ça. Ça le complique, mais du coup, c'est dans la contrainte que tu trouves d'autres libertés. C'est assez intéressant, Macron, parce qu'il est très très malin. J'ai deux bons exemples de... Je l'ai interrogé quand il était ministre de l'économie. Ouais. Et c'était la journée du livre économique. Et ma question, c'était quel est votre livre économique préféré? Sachant que ma relance dans ma tête, c'était Le Capital de Karl Marx. Vous en faites quoi? Et il a répondu. Et il m'a répondu, mon livre économique préféré, c'est Le Capital de Karl Marx. Vous paraître comme une provocation, il dit et tout. Donc ça veut dire que le mec. Alors à l'époque, je me l'étais pas dit comme ça. Je me suis dit, putain, c'est un hasard, un truc comme ça. Mais c'est sûr que non. En fait, c'est-à-dire il que anticipe. Le mec a complètement anticipé. C'est-à-dire qu'il est très, très, très rapide. Ouais, il prépare tout, quoi. Ouais, je sais pas s'il a préparé. Je pense pas qu'il ait préparé. Je pense même qu'il me connaissait pas perso à l'époque. Mais il a vu le micro France Inter et dans sa tête, il a fait, tu sais, comme un joueur d'échecs qui est habitué. Il a fait tac-tac, ouais, gauche, machin, je vais dire ça, bim. Et du coup, en y repensant, c'est assez, assez balèze. Et la deuxième. La deuxième anecdote que j'ai avec lui, c'est la chronique qu'on a fait avec Charline devant lui, donc en face à face, où là, il était obligé de fermer sa gueule pendant 2 minutes 15. Et bon, bah voilà, on s'est foutu de sa gueule, on a fait comme on fait d'habitude. Et il a fini par. Donc, il se marrait tout le temps, ce qui est déjà hyper bon en communication, ça passe pour le mec sympa et tout. Et il a fini par dire: ah non, c'était vraiment chouette ce que vous avez fait, je m'attendais vraiment à pire. Ah. Quelle est la pire phrase que tu peux, tu vois, que tu peux dire pour un humoriste après. Et. Je m'étais dit, ah putain, petit enfoiré, d'accord. Il prépare, il est très réactif. Il est très réactif. Ouais, du coup, ce qu'il a réussi, personne ne l'avait vu venir, y compris moi, quoi. Ouais, et tous les vieux briscards de la politique se sont fait baiser, quoi. Il est arrivé avec un truc très, très verrouillé. Bon, il y en a certains, ils ne se sont pas fait baiser. Il y en a certains, ils ont récupéré une place ou une. Au dernier moment, ouais. Ils ont dit, tiens, s'il y a un petit peu à gratter, je veux bien. Mais non, mais Macron se sert d'eux. Pour justement. En fait, Macron, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas un mec cupide. C'est pas un mec qui aime l'argent, en fait. Ça le fait pas kiffer d'empiler des petits pognons. D'ailleurs, sur sa déclaration de patrimoine, il n'y a rien. Et il a gagné 2 millions ou 3 millions chez Rothschild, il a tout claqué. En fait, c'est un joueur, Macron. Ce qu'il fait kiffer, c'est de jouer. Ce qu'il faisait à Rothschild, c'est exactement ce qu'il fait maintenant. Ouais. C'est-à-dire qu'il fait des coups, il fait des placements, il fait des OPA sur des trucs. Il joue à, je sais pas si tu connais le jeu de société Risk. Ouais, ouais. Ben, il joue à Risk et c'est un très très bon joueur de ce jeu-là. Il faudrait le faire jouer. Ouais, il défonce, hein, Risk. Et là, il fait exactement la même chose avec les partis politiques. Il dit, je vais en prendre un peu, machin. Ça va faire péter là. Bon, le PS, il n'y avait pas grand-chose à faire péter. Mais bon, il a quand même, parce qu'il est joueur comme un chat, tu l'as fait, hop, terminé. Il les prend. Et puis voilà. Et là, il se retrouve avec une assemblée qui est complètement à sa botte parce qu'il a pris que des jeunes qui connaissent rien et donc qui vont juste signer les textes. Ils vont dire, faut faire quoi, faut signer là, ok, et plein de ministres pareil qui débarquent et donc il a verrouillé le truc. On va voir, il a plusieurs points faibles pour la vérité. Il y a des choses à faire quand même pour les humoristes. Pour terminer, est-ce qu'il y a un sujet, un événement, une personnalité autour duquel ou de laquelle tu n'as jamais réussi à faire rire? J'ai pas fait par exemple, mais c'est parce que j'ai pas eu l'occasion. J'ai pas fait Nathalie Arthaud, j'ai pas fait de chronique sur elle pendant la campagne. Et je crois qu'il y a une deuxième, mais je sais plus qui. Jacques Cheminade. Et Jacques Cheminade, Jacques Cheminade, j'ai pas fait. Pourtant, il y a des choses à faire. Alors Jacques Cheminade, c'est un peu particulier parce que c'est un peu. Quoi dire qu'il ait déjà été dit. Enfin, il n'y a pas de matière en fait. Oui, c'est vrai. Il y a moins de. Il faisait ses petits meetings, ils étaient 20, tu vois, ça faisait un peu. Ils n'ont pas l'arrogance d'un Asselineau qui lui arrive et dit vous allez voir ce que vous allez voir. Là c'est marrant parce que tu peux dire on va voir. On va voir. Ouais. Mais Cheminade il est quand même plus humble, il faisait son truc. Enfin, la conquête spatiale. Ouais, il y avait ce truc-là. Mais bon, ça a été fait. Ça a été fait pas mal. Donc j'ai pas trouvé de. Et puis comme ils se réunissaient vraiment très très peu, il n'y avait pas non plus de points d'appui quoi. Et puis Nathalie Arthaud c'est pareil parce que j'ai pas eu l'occasion, j'ai pas vu passer un meeting ou. Peut-être Nathalie Arthaud, il y aurait eu des trucs plus rigolos à dire. Ouais, il y aurait pu, ouais. Ouais. Mais ces deux-là, mais. Non, je pense qu'on peut faire sur tout le monde, ouais. Mais plus t'aimes bien les gens, plus c'est difficile. Plus c'est difficile de faire. Après, j'ai fait pas mal de chroniques cette année avec des gens que j'aimais bien, genre une nana qui est sage-femme sur l'Aquarius. Ouais, j'ai vu ça. Mais donc, du coup, tu prends un autre angle. Un autre angle, qui est sympa aussi. Tu joues au gars de droite. J'ai fait une chronique comme ça avec une nana qui défend les Amérindiens du Dakota, là. Du coup, j'ai fait un peu le Trumpiste, quoi. Mais on retourne dans l'autre sens, du point de vue et de la façon dont on attaque. Non, mais tu peux faire rire avec tout, là, je pense. Et ben, on va se laisser notre deuxième pause musicale après cette belle réflexion. Et c'est Yves qui va nous rejoindre d'un instant à l'autre. Yves pour et ta surprise de la fin aussi. Pour une petite. Et les tops et les flops. Les tops et les flops de l'année. Oui, on peut dire que c'est les tops et les flops de l'année, en effet. Mais tout de suite, c'est notre pause musicale. On part dans quelle époque là? Et ben là, on part en 2016. On respecte le quota français avec Amir, on dirait. On se retrouve tout de suite après sur Web7 Radio pour la suite d'Apprendre à débattre. Toujours été sûr de moi. toi. On dirait que dans ce monde étrange, on dirait que t'as toujours été là. Que mon rêve est juste à côté, que je vais juste à tendre la main. Toute ma vie, je peux la passer à t'écouter. La douceur est ton seul refrain. Non, non, non, ce n'est pas toujours facile pour moi. J'ai prié tellement de fois. Non, non, non, je ne sais pas ce que je ferais sans toi. On se retrouve pour la fin du 94e numéro de Apprendre ou à débattre. Nous recevons ce soir l'humoriste et chroniqueur radio Guillaume Meurice. Et c'est un autre chroniqueur, animateur de notre émission littéraire sur Web7 Radio, qui nous rejoint désormais. Bonsoir Yves. Bonsoir Adrien. Le micro est à toi. Je crois que tu as préparé une petite surprise pour Guillaume Meurice. Oui, tout à fait. Oui. Bonsoir Guillaume. Je tenais à vous dire quand même que j'ai passé toute mon enfance à jouer seul au risque et que Macron, à mon avis, aurait du mal, car on peut jouer seul aussi au risque. Ah, je savais même pas. Si, si, si. Ouais, il faut un peu d'imagination, mais on peut le faire. Ouais. Est-ce que c'est pas un peu triste de jouer tout seul au risque? On oublie. Ouais. On se met un miroir devant. Ouais. Bon, alors, Guillaume Meurice, j'ai d'abord pensé vous faire une petite chronique sur Georges Bernanos et je me suis dit que ce serait mauvais genre, mauvais ton. Eh bien, cher Guillaume Meurice, je pense pas que ça va beaucoup plus vous intéresser ni vous amuser, mais il fallait que je vous dise quand même que figurez-vous que la semaine dernière, j'avais l'âme bien en peine. Pensez donc, je venais tout juste de vendre le deuxième tome des Essais de Montaigne. C'est pourtant le plus intéressant, le meilleur, vous le savez bien. Alors voilà, j'ai quitté Gilbert Joseph, ce monde piété des éternels pénitents, lettres classiques, devenu barman, évidemment. Et évidemment, il faisait un canard pas possible, le col de ma chemise était devenu gluant, une éponge côté grattoir, et je n'avais pas de quoi aller noyer mon chagrin littéraire dans un double whisky, bien chaud, à la terrasse du Flore, of course. Bref, la bérésina du dilettante. Enfin, tout ça pour vous dire que j'ai quand même eu un sursaut de liberté et que j'ai décidé de prendre quelques jours de vacances, de mettre ma créativité au vert. Le grand bonheur, le bel azur, le train, direction Drancy. Donc, je vais à la gare. Oui, il faut que je vous dise aussi en passant, Guillaume Meurice, que j'ai bien hésité à passer quelques jours en villégiature à Levallois-Perret. Ah. Mais j'ai bien pigé en écoutant vos chroniques, car je les ai écoutées, qu'à part mon fond de culotte, je n'avais pas suffisamment de papier à blanchir là-bas. Alors à quoi bon? Plutôt Drancy. Drancy, c'est la liberté, pensez donc. C'est la patrie de Jean-Christophe Lagarde. Lagarde. Jean-Christophe Lagarde, ancien soutien de Bayrou, puis d'Hervé Morin, puis de Jean-Louis Borloo, et puis aussi... Belle amateur d'attribution illégale de marché public. Enfin bon, passons. Et c'est bien la preuve qu'il y a du vent là-bas, beaucoup de vent, et on n'était pas la peine de prendre une veste, il suffit de retourner celle qu'on portait 3 mois auparavant. Bon, je m'égare encore, j'en finirai jamais de ce voyage, j'en suis désolé. J'arrive à la gare, Oui, voilà, oui, si, si, si. Il fallait que je vous dise aussi, monsieur Meurice, que chez ces gens-là, dans le métro, car j'ai pris le métro pour aller à la gare, il y a des gens qui savent y faire pour gagner leur vie. Ils ont peut-être les pieds noirs, mais ils ont la cervelle bien nette, et ça m'étonnerait d'ailleurs pas qu'ils aient écouté vos conseils littéraires, à défaut d'avoir écouté ceux de votre amie Clara Dupont-Mono. Et d'ailleurs, par rapport à Clara Dupont-Mono, je parle de digression en digression, mais là, je suis vraiment obligé, par rapport à Clara Dupont-Mono, il faut que je vous dise que quand on tape son nom sur Google, la première suggestion qu'on trouve, c'est Clara Dupont-Mono compagnon. Et oui. Ça intéresse beaucoup de gens, ces choses-là. Et je me suis demandé si c'était pas vous, évidemment. Donc je me suis imaginé, j'ai fouillé, j'ai cherché. Mais vous nous le direz plus tard, c'est pas pressé. Bon, revenons à nos moutons et à nos petits riens du métro. Figurez-vous qu'il me lisait Étienne de la Boétie, le bougre. Écoutez bien. Les lâches, seuls et les engourdis ne savent ni endurer le mal, ni recouvrer le bien qu'ils se bornent à convoiter. Je suis sûr que c'est une phrase que vous connaissez très bien. Je valide. Me voilà alors fait comme un rat dans la chaleur et tout honteux d'avoir vendu son pauvre ami Montaigne au troc de Gibert, et je donne donc toutes mes économies de vacances d'anciennes à mon philosophe tout pouilleux du métro. Mais il m'en faut un peu plus pour reculer devant pareil projet. Et j'ai quand même été à la gare, histoire au moins de sentir l'appel du large, les mouettes, le gasoil, les chaussettes dans les tongs. Et là, paf! Qu'est-ce que je vois dans la gare? Un type qui siffle la reprise de M le Maudit. Alors là, bon, j'emmène pas large. Je fais gaffe à mon ballon, je fais gaffe à mes jupons. Mais je me dis que des types pareils, il avait peut-être pas cherché à être aussi méchant, qu'on les avait peut-être parfois trop insultés. Par exemple, parce qu'ils ont une ironie qui ne passe pas partout, un peu trop mordante, qui dérange les jardinières du 16e. Alors imaginez-vous, vous, Guillaume Meurice, si par mégarde, et par exemple, tout ça est imaginaire, un sympathique militant UPR, par un beau jour de juillet, vous traite, je pourrais citer, de nul, de merdia ou de merdias, de gauchias ou encore de journalope. Eh bien, j'espère, cher Guillaume, que de Meurice, vous ne deviendriez pas Guillaume le Maudit. Yes, bravo. Super. Merci. Merci beaucoup. Bravo, Yves. La fibre littéraire, toujours. Oui, mais on parlera de Bernano tout à l'heure, du coup. Écoute. En antenne. En antenne, du coup. Tu peux rester avec nous. Ah, mais non, mais c'est vrai qu'il y a Mathilde qui a. Mathilde, reviens avec nous. Surtout qu'il va y avoir ta surprise, Adrien, à la fin, juste après nos top et flop. Il y a une surprise. Oui, il y a ta surprise, c'est moi qui t'en ai. Étant donné qu'il n'y a qu'une seule femme sur le plateau, autant. Oui, voilà. C'est vrai. C'est pas très pour l'image. Mais il y en avait une, mais malheureusement, elle ne peut pas être là ce soir. Mais il y en avait une autre. Mais Yves, reste avec nous pour les top et les flops. Oui. Et tout de suite, oui. C'est les tops et les flops. Et maintenant, les tops et les flops. Un top, un flop, quelque chose qui vous a plu, qui vous a déplu dans l'actualité. C'est la dernière fois que je vais prononcer cette phrase. Année, et j'allais préciser, puisqu'on termine la saison, de toute l'année, un top et un flop. C'est pas facile à trouver, hein, j'ai pas encore trouvé, je vous avoue, mais vous allez m'aider. Comme d'habitude, puisqu'on ne change pas les bonnes habitudes, on commence avec Arthur. Tu veux qu'on commence par moi? Bon, très bien. Alors moi, j'ai deux flops dans cette magnifique saison. Hein. Deux tops. D'accord. Voilà, ça commence bien. Deux tops dans cette magnifique saison. Premièrement, c'était notre passage, surtout grâce à Patrick Peloux dans un peu tous les médias, voilà, qu'on a écouté tout à l'heure en début d'émission. C'était pas cette saison, c'était la saison d'avant. C'était la saison d'avant, mais on l'a dit sur toutes les saisons, donc c'est pas grave. Et mon deuxième top, c'est quand j'ai taclé Denis Oliven par rapport aux audiences de Médiamétrie et Bruno Guillon, que j'aime beaucoup. Voilà. Je lui ai d'ailleurs fait écouter le son qu'on avait enregistré ici de Denis Oliven, et voilà. À qui tu as fait écouter? À Bruno Guillon. Gilad. Ah, Gilad me fait des yeux. Non, on va après les tops et les flops de Gilad. Bah, si, le flop, tu l'as déjà, non? Ouais, mais c'est trop simple. C'est trop simple. Ouais. Il veut quelque chose d'un peu élaboré. Raphaël. Alors, mon top, c'est qu'on s'est bien marré cette année, grâce en partie aux politiques. Et en plus, à la bonne ambiance qui a régné dans cette émission pendant 3 ans. Et mon flop, c'est la crise migratoire, qui est de plus en plus grave et qui est un réel problème. Je crois qu'il n'y a jamais eu autant de migrants en circulation et de réfugiés politiques, surtout. Des populations entières sont déplacées à cause des différentes guerres. Donc, c'est vraiment un sujet très grave qu'il faut traiter prioritairement, je pense. Et sinon, dans l'actualité récente, c'est le tweet de Trump où il a mis la tête de, où il a mis CNN sur la tête de, d'un catcheur qui le met au sol et qui frappe. C'est assez marrant. Et il y a une reprise avec 8 millions d'Américains. C'est un top ou un flop? Non, c'est mon flop. D'accord. Le macroniste au dernier moment. Il a encore temps. Et il y a une caricature assez marrante. C'est, ils ont mis toutes les personnes qui étaient qui allaient un peu être baisées par la Obama Healthcare qui partait. Et il montrait qu'il frappait en fait cette personne et pas CNN. C'était assez marrant. C'était plutôt le top parce que traité avec dérision, on n'a pas trop le choix. Théo. Ah, Gilad alors. Je sais pas, on me dit dans le cas qu'il faut pas. Il faut que la surprise s'installe. Bon, alors Gilad, quelle surprise. Pour le club, j'ai trouvé autre chose que ça peut rater quand même. C'est autre chose aussi. C'est l'abstention qu'il y a eu malheureusement aux élections, surtout chez les jeunes. Moi, par exemple, qui ai tenu un bureau de vote, j'ai jamais vu aussi peu de monde aller voter. Et c'est, je trouve ça malheureusement pas super, surtout en France. Puis après, les gens se plaignent des résultats, mais donc voilà. Et en top, c'est touche pas mon poste, parce que je trouve que non, mais parce que moi, je suis franc, je regarde ça tous les soirs et je trouve que Cyril Hanouna s'en est pris plein la gueule toute l'année, qu'on a insulté tous ses auditeurs de cons, de je sais pas quoi. Et puis je trouve qu'il s'est bien défendu, donc c'est mon top. Je me rappelle que tu avais fait un top aussi sur une fois une émission sur Ève et Adam, ou je sais pas quoi. Ah oui, Adam et Ève, la télé-réalité nue sur C. Non, ça c'est pas moi ça. Ah si, ah, j'ai des extraits. Si, non, mais c'était, ça devait être ton flop. C'était plutôt ton flop. Tu vois, touche pas à mon poste, au moins j'ai mis mes points là-dessus. Ouais, t'as eu 5 points au quiz. Ouais, parce qu'il y avait eu un invité de touche pas à mon top. Exactement. Théo. Bah. Évidemment, top et flop sportif. Pour finir. Bien sûr. Donc, tout d'abord, mon flop donc, de l'année, hein, cette défaite cruelle 6-1 du PSG face au Barça. Mais mon top, c'est la victoire 4-0 du PSG face au Barça aussi. Parce que c'est une grosse victoire et il faut s'en souvenir. Merci Théo. Ah, Yves a son top et son flop. En fait, un top, je n'en ai pas, mais j'ai un flop. Et je voudrais voir ça justement avec Guillaume, parce qu'on est à peu près pareil, c'est-à-dire qu'on a des épaules de serpent. Mais on peut apprécier le rugby malgré tout. Et l'équipe de France a été en Afrique du Sud et s'est pris 3 branlées monumentales. Est-ce que vous les avez suivies du coup? Est-ce que ça vous a intéressé? Non, j'ai pas suivi, mais j'ai vu les infos passer, ouais. Oui, c'est parce que vous venez du Nord, ça, du coup, que le rugby... Vous... Ouais, le rugby me touche assez peu. Bon, bien. Mais oui, 3 grosses branlées, mais c'est pas habituel que le 15 de France se prenne des branlées. Si, quand même. Voilà, c'est pour ça que on s'y pas... fait toujours aussi peu, ouais. C'est toujours assez douloureux parce que c'est tous les 6 mois, c'est pas suffisamment régulier. Ouais. Et, ouais. D'accord. Merci pour ce flop. Julien. Alors mon top, c'est le dîner qu'on va faire ce soir. Après, hors antenne malheureusement. Qui va, je pense, être assez sympa. Et puis mon flop, c'est les invités qui nous ont un peu clashés pendant les émissions. Ils se reconnaîtront, c'est pas pour vous. Il y en a eu. Et puis il y en a eu. Et ceux c'est qui nous ont aussi clashés alors qu'ils devaient venir. Ah, on sait de qui on parle. On ne dira pas. Rachida. Vous aviez invité Rachida Dati? C'est pas elle. C'est une vieille histoire. C'est une autre Rachida. Ça aurait été marrant. Invitez-moi quand elle vient. Si elle revient. On t'invitera. On ne manquera pas. Par contre, je sais pas si elle viendra si on lui dit que tu veux. Ouais, du coup, ouais. Mathilde. Alors moi j'ai un flop et 2 tops. Ah oui. Donc mon flop, donc ça serait bien évidemment la mort de Simone Veil, mais mon top c'est son entrée au Panthéon avec son mari. Et sinon un top plus large sur l'année, bah c'est cette émission et tout ce qu'elle nous a apporté pendant 2 ans et 3 pour vous et voilà, c'était génial. Merci Mathilde. Merci. Samuel. Et bien moi mes 2 tops ce sont en rapport avec Macron cette fois-ci. Alors le premier top, bah, c'est son élection et mon deuxième top c'est par rapport à l'émission, genre toutes nos accréditations qu'on a eues, c'était vraiment un... Merci un à l'agence moment. Presse Jeune pour on ça. Peut remercier donc il y a un représentant qui je ne sais pas encore pourquoi mais qui est présent. Et on attend le top et le flop d'Adrien Brachet. Alors bah, moi j'ai essayé de faire un top et un flop en lien avec l'émission, il le fallait bien pour terminer. Mon top, c'est pour tous les moments qu'on a vécu ensemble, notamment les déplacements. C'était assez sympa quand on allait à l'Assemblée nationale ou au village international de la gastronomie. Et puis mon... C'était sympa. Non, mais voilà. Ou même nos moments à la Boissière en off, voilà, ceux qui connaissent reconnaissent. On n'est pas censé le savoir, ça. Voilà, on a vécu des moments assez chauds. On a vécu des moments assez chauds, mais les deux personnes, voilà, concernées ne sont pas là, donc ça pose pas de problème. Vous devinez aisément qui c'est. Et puis mon flop, c'est qu'on va laisser l'actu se dérouler sans nous pendant un petit moment, voilà. pauvres auditeurs qui nous attendaient au tournant. C'est dommage. Au tournant, voilà, surtout. C'est dommage. Mais merci Adrien pour ces magnifiques top et flop. Mais ce soir, je te l'avais prévu pour ta dernière de la saison 3. Tu as une surprise et ce soir. Et ma dernière avec. Voilà, la dernière sur ce format-là, avec cette équipe-là, etc. Et pour ta dernière de la saison 3, j'ai donc invité ce cher Louis Pasquier de l'agence Presse Jeune. Oulala. Et donc Christophe Selzer aussi, qui est un libéral. Non, je n'ai rien dit là-dessus. Donc messieurs, la parole est à vous, allez-y. Vous avez prenez votre temps, c'est le moment ou jamais. Adrien, on m'a demandé de faire état des raisons de notre rencontre en 3 minutes, soit à peu près le temps qu'il m'a fallu pour lire le programme de Macron. C'est dire que la tâche était plutôt courte. Alors cette rencontre, nous la devons aux inclassables de Bang Gang Cheu. C'est d'ailleurs la seule chose de bonne qu'ils ont réussi à faire. La première fois que j'ai passé la porte de ce studio, des personnes assises devant ces micros picolaient. On se serait cru d'ailleurs chez votre grand ami Jean Lassalle. Bref, Adrien, j'ai su que nous allions bien nous entendre. Alors, loin des verres à pied et des bouteilles de chardonnay, nous devions bien organiser la première édition de la grande soirée présidentielle. Souviens-toi des promesses de Paul qui nous avait lues plus tard, tant de sueur froide. Je vois, tu rires, c'est pourquoi. Oui, mais moi, puis le jour J est arrivé, ce 23 avril dernier. Une vingtaine de journalistes jeunes répartis dans les principaux QG, des invités en plateau et en duplex, un exercice sans précédent pour une réussite honorable. Le premier grand consortium de la pré-jeune était né sous ton égide, et cette première soirée électorale, pleine de défauts fut-elle, nous a beaucoup appris, et nous a surtout appris à nous connaître. Alors malgré les imperfections techniques, malgré les beaux parleurs, tu es resté dans ton rôle de présentateur, lucide, professionnel et intègre. Malgré le stress, peut-être un peu fatigué, tu as trouvé le réconfort dans les massages bourrés d'intentions de Naomi, espèce de petit coquin. Mais cette première édition n'était que poudre de perlimpinpin. Vois-tu, j'ai réussi à la placer. Et il faut que je la place. Je vais être obligé de revenir à la radio pour ça. Mais tu vas être obligé d'y venir. Et alors, deux semaines après cette première édition, nous avons remis le couvert pour suivre le second tour de l'élection présidentielle qui donna le candidat d'En Marche gagnant. Une édition réalisée dans des proportion beaucoup plus réaliste à laquelle Guillaume Meurice avait participé. J'en profite. On se rappelle de sa réplique. On s'en rappelle de sa réplique, mais j'en profite tout de même pour vous remercier de votre confiance, de votre sympathie, malgré les aléas du direct, il nous a fallu une bonne blague de votre part. Mais notre collaboration, mon cher Adrien, ne s'est pas cantonnée au mur de Webset Radio. Ensemble, nous avons poussé les portes du ministère de la Jeunesse et des Sports jusque dans le bureau du ministre pour une interview au service de la Presse Jeune. Cette interview n'est que la première d'une longue série. L'alter ego est très fier de te savoir en son sein. Toute la rédaction se joint à moi pour saluer ton travail et celui de ton équipe, même toi Arthur. Merci. Oui, même toi. Quant à moi, je garderai en souvenir ta séance de bronzage sur les transats du ministère, ces séances de maquillage aux frais du contribuable, tout à fait, et ton indéniable sang-froid lorsque la technique fait défaut en plein direct. Patrick Peloux a annoncé à cette antenne son départ de Charlie. Tu t'apprêtes à en faire la même chose pour clôturer cette saison. Tes auditeurs auront le privilège de te retrouver l'an prochain. Merci à toi, merci pour ton professionnalisme, pour ta rigueur, ta confiance et ta générosité. Après ce bac réussi avec brio, me dit-on, je te souhaite une excellente continuation sur les bancs de Sciences Po où tu as toute ta place. Merci Louis. Bravo Louis. Merci beaucoup. Non, vraiment là, je ne sais que dire. Je ne sais que et attends, parce que ça. Ce n'est pas fini d'ailleurs, puisque Christophe. Non, mais merci à toi, Louis, pour tout ce qu'on a fait ensemble. Ça a été toujours un plaisir de le faire et surtout de voir qu'on pouvait regrouper comme ça des médias jeunes. Et surtout le réaliser. Merci de ne pas m'avoir laissé seul dans cette surprise ce soir. Christophe, toi aussi, tu as ton mot à dire par rapport à Adrien. Oui, j'ai juste une petite question déjà. Est-ce que tu as choisi entre Sciences Po et Henri IV? Oui, j'ai choisi Sciences Po comme. J'ai choisi Sciences Po. Ça n'est pas ma chronique. Bon, bah, je suis content d'être là ce soir pour te remercier parce qu'on est venu plusieurs fois avec mon mouvement, Students for Liberty, le Free Startup Project. Y compris pour moi, c'était nos premières radios d'ailleurs, parce qu'on n'en a pas fait 36 000 non plus. Ah, pourtant, on avait l'impression que tu avais l'habitude. Et pourtant, non. Et je pense à Bangoshi et tout ce petit écosystème-là qui nous a fait notre vidéo pour notre campagne de crowdfunding encore récemment. C'est blacklisté ce nom-là aussi. Tous, à votre façon, vous nous avez aidés, et en particulier toi. Donc, je te remercie pour ça parce que tu fais partie de ces gens qui ne sont rien, comme personne d'ailleurs n'est quelque chose. Mais au bon sens du terme, c'est-à-dire que chacun est égal, il peut faire quelque chose de là où il est. Et ben, je trouve que tu es jeune, tu montres de la volonté, de la détermination, Et je pense que tout ça est beaucoup plus important, à la fois que les notes que tu as eues, qui me font penser à celles que j'ai eues, parce que j'ai jeté un coup d'œil, qui me fait penser aussi au choix que j'avais fait entre la prépa et Sciences Po, moi, à l'époque. Et en fait, qu'importe. C'est-à-dire que toi, tu fais d'ailleurs pas exactement le même choix que moi, mais on s'en fout, parce qu'au-delà du bac, j'aime bien dire que c'est un peu de la violence symbolique, le bac. C'est-à-dire qu'il faut absolument avoir son bac, parce que c'est très bien socialement. Mais je pense que, en fait, on est juste en train d'enfermer les gens dans des espèces de filières où voilà, il faut tous avoir le même moule. Et alors, en plus, si on n'est pas dans ce moule-là, du coup, on est foutu. Alors que franchement, le bac, c'est un bout de papier. Et donc, je crois que ce que tu dois cultiver, toi, ta compétence, c'est ton énergie, ta volonté, tu l'as déjà. Et c'est celle-ci qu'il faut que tu cultives. Donc, c'est un éternel recommencement de début. Donc là, c'est une fin, mais c'est aussi un début de quelque chose d'autre. Et j'espère que tu conserveras toujours ça et que tu ne te laisseras pas enfermer dans des moules. Toujours penser différemment. Et comme moi, j'ai envie de rajouter mon petit truc à moi, voilà, je suis contre l'état d'urgence. Je pense que c'est pas à l'État. Pas à l'État de s'occuper, ou en tout cas qu'il y a un mensonge souvent à nous dire que l'État va nous protéger absolument contre. Moi, j'invite les gens à se poser des questions, parce que c'est un poncif et probablement faux. Et un autre poncif, comme ça, je tape autant sur de la gauche et de la droite. Mais c'est ce que j'appelle être insoumis. Un autre poncif, c'est de penser que voilà, pour que les gens soient heureux ou pour lutter contre la pauvreté, il faut absolument un État coercitif. Le même qui te protège d'ailleurs sur Internet, soi-disant, que c'est cet État-là qui lutte contre la pauvreté. Alors que toi, comme n'importe qui ici, comme moi, on a beaucoup plus de leviers d'action qu'on le pense. Et c'est nous qui faisons la politique, c'est nous qui faisons l'économie par nos choix, pas seulement monétaires. On peut aller vivre tout seul si on veut dans notre petite ferme. Donc tout ça pour dire que le plus important, c'est ce que tu parles, c'est de l'énergie, de la volonté, de la détermination. Et c'est ça qu'il faut que tu cultives avant tout. Merci Christophe, surtout que tu l'as, cette énergie et cette détermination. Et merci. Donc tu sais de quoi tu parles. Merci encore une fois à vous deux d'être venus ce soir pour cette petite surprise à Adrien pour sa toute dernière de la saison 3. Sur Web7 Radio, qui reviendra donc l'année prochaine sous un nouveau format et pleine de nouveautés. J'avais préparé un petit mot pour dire au revoir. Voilà. Alors, voici le moment d'achever 3 ans de radio. Ce fut une aventure hors du commun que nous avons vécu ensemble. Et de cette aventure, il y a 2 aspects que je souhaiterais retenir. C'est quoi cette musique derrière ? Non, merci. D'abord le débat que nous avons vécu et fait vivre en se confrontant à des personnalités d'opinion très différentes. C'est un exercice très enrichissant qui oblige à toujours réfléchir et à se questionner. C'est une véritable leçon d'humilité et de tolérance. Je crois ainsi que le débat est le mieux que nous puissions souhaiter à la politique française pour ces prochaines années. Et puis il y a eu l'aventure humaine grâce à tous les invités d'horizons différents que nous avons rencontrés, dont Christophe Seltzer et Louis Pasquier font partie, mais aussi grâce à vous, chers chroniqueurs. Ensemble, nous avons vécu des moments très forts qui, je le crois, resteront gravés dans nos mémoires. Tous, avec chacun votre propre personnalité, vous m'avez beaucoup appris. Vraiment, un grand merci à chacun de vous. Merci à toi, Arthur, pour ton dynamisme, ta réactivité, ta fidélité à la régie. Merci. C'est important, ça compte. Je voudrais aussi remercier Guillaume Baron-Tissot, Martin Decasse et David Daoulas qui m'ont ouvert les portes de Web7 Radio il y a 3 ans. Et puis merci à vous, chers auditeurs, parce qu'il est vrai que nous ne sommes pas mondialement connus, mais la fidélité de quelques-uns représente déjà beaucoup. Alors vous vous demandez sûrement quelle est la suite. Une suite, il y en aura. Je continuerai à m'investir, notamment la direction de Web7 Radio. Apprendre ou à débattre va continuer, mais sous quel format, avec qui, nous allons prendre le temps de la réflexion durant l'été. En tout cas, vraiment merci à tous et bon vent. Je ne sais pas si vous voulez dire un mot pour... Je sais pas si vous voulez dire un mot pour conclure. Merci Adrien pour ces 3 saisons magnifiques. Merci à vous, c'est et puis, merci beaucoup. Est-ce que tu vas sur Europe 1? C'est ça la question. Ou France Inter. Ouais, on en parlait tout à l'heure, la première partie de l'émission, mais peut-être. Merci beaucoup à tous nos auditeurs, merci à tous, chers chroniqueurs, merci à Adrien, merci peut-être pour votre peut-être Guillaume Meurice, un petit mot pour finir, les chroniqueurs, merci. Non. Mais non, mais c'est super chouette, continuer comme ça longtemps et sur d'autres supports, sur d'autres médias. Merci. Faisons vivre merci la Guillaume. Démocratie et la liberté d'expression. Merci beaucoup. Merci et maintenant à table. Et à table, et merci. Et à l'année prochaine pour certains. Pardon, c'est pas le bon. Hein. C'est pas le bon, c'est pas grave. C'est le dernier. On voulait pas terminer. C'était Apprendre ou à débattre tous les vendredis 19-20h.